Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Gironde Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h, 21h30. Ce soir, on va pas vous mentir. Circonstances exceptionnelles, émission exceptionnelle, on risque de très largement déborder et de vous accompagner une bonne partie de la soirée. Puisque, à moins que vous ayez vécu dans une grotte depuis hier soir, vous le savez, Gustavo Poyet n'est plus l'entraîneur des Girondins. Attention, mise à pied, il est encore. Il est encore jusqu'à la semaine prochaine, je crois, c'est vendredi. Voilà. Il le sera plus d'ici une semaine, le temps de régler les papiers. Évidemment, nos petits cerveaux en ébullition ont travaillé toute la nuit, toute la journée, pour vous proposer une émission spéciale avec pas moins de 4 invités qui vont se succéder sur notre antenne. Le premier est déjà prêt à réagir avec nous. On va l'accueillir dans quelques instants. Je vais faire très vite pour les présentations. Sont avec moi, c'est pas compliqué ce soir, si je dis pas de bêtises et que j'en oublie pas un. Il y a tout le monde. Il y a Marc. Salut Marco. Salut à tous. Il y a Cyril. Salut Cyril. Salut. Il y a Adrien. Salut. Ça va mon petit. Il y a Rémi, notre envoyé spécial du jour qui est parti aux nouvelles. Et il y a Enzo. Du coup, il a pas de micro. Bah, Enzo, ce soir, il est en mode CM. CM. C'est là, il va être sur les réseaux sociaux. Donc le hashtag DirectGA, vous pouvez l'utiliser pour réagir à l'antenne. Le chat, bien évidemment, est encore présent, donc vous pouvez encore l'utiliser. Soyez présents, on a été à la chasse aux infos aussi, donc on aura des infos à vous donner. Vous êtes libre de les croire ou ne pas les croire, voilà. Et ensuite, on va en débattre tous ensemble de cette émission. Et j'ai l'impression quand même d'avoir le micro qui grésille, donc pour que ça soit audible pour tous, je vais me rapprocher de Cyril. Cyril, on va partager le micro. Et ah, mais normalement, il marche, hein, celui-là. Ouais, mais David, il grésille un peu, donc ça fait vraiment un bruit très bizarre. Bon, donc, bah, il aura marché une semaine, c'est déjà pas voilà, si mal. Voilà, pour nos éditeurs, on va le sortir. On accueille également nos amis du chat présents ce soir. C'est en train d'arriver, il y a déjà pas mal de monde et c'est en train d'arriver petit à petit. Salut à vous tous. Vous réagissez évidemment en direct à tout ce qui va se dire et mes collègues dans le studio ainsi que moi-même, on voit un petit peu tout ce qui défile. Voilà, pour nous joindre évidemment, donc première partie d'émission, on aura quatre invités de téléphone et deuxième partie d'émission, on vous donnera la parole à vous supporters et auditeurs. Oui, Marc. Alors n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous appeler, c'est moi qui serai chargé de prendre vos numéros, on vous enverra un texto dès que vous pouvez appeler derrière. Donc vous pouvez commencer à appeler. Il y aura du monde, on fera pas des interventions d'une demi-heure comme on a l'habitude de faire, c'est ça. Mais on va essayer d'avoir tout le monde. Si jamais vous voyez que sur internet, vous commencez à avoir du mal à écouter parce que je vois que ça grimpe, les stats. N'hésitez pas à écouter sur la FM, hein, puisque vous captez 90.7. Voilà, 90.7 sur la FM, RIG. Et là, il nous a Direct quand même. GIA. Direct GIA, merci. Il nous a quand même lâché une sacrée info parce que le handshoot, on en entendait parler, mais là, il est quand même. Je te le laisse. Assez, le handshoot, je te le laisse parce que j'arrive pas. Il est quand même. Essaye pour voir. C'était une rumeur et là, il est quand même assez affirmatif sur sa présence. Merci, Marc. Et donc du coup ouais, c'est vraiment pour moi c'est vraiment une belle info que qui nous a donné en exclusivité. Alors, on va avoir toujours 0-0 entre Reims et Lyon. Je pense que ça nous intéresse tous. C'est ce qui l'a fait tomber les deux téléphones. Alors, tiens, notre prochain invité c'est à 21h30. On a un petit peu de temps donc si vous voulez nous appeler. Appelez-nous avant ça. Avant ça, rapidement Rémi. T'étais ce matin. On t'a pas entendu, Rémi. Ouais, ouais. Ça va être maintenant. Ok, c'est maintenant. C'est ton moment. C'est mon moment, c'est ça, c'est mon cœur d'Américain. T'étais ce matin au Lyon, raconte-nous. Bon, écoute, c'était un peu la panique à bord, comme des journalistes de partout, de l'équipe, de tout, de South Gold aussi, je pense qu'ils étaient là. Il y a du monde. Et après, Martin qui était vraiment pas mal aussi, qui était à coup à gauche, à coup à droite, téléphone, pas téléphone, je pense que ça tournait. Les joueurs qui ont mis à peu près 1h30 à venir jusqu'à sous terrain, donc je pense à explication avec le staff. L'entraînement était décalé. Il y a eu plusieurs raisons à ça. Oui, il y a eu une info de grève, mec, de grève qui. Ben voilà, ça. Ouais. Moi j'ai parlé à ce journaliste qui maintient quand même que voilà, certains joueurs râlaient un peu. Par la majorité, on va dire. Ouais, moi, les infos que j'ai eues, c'est que en effet, il y a des joueurs qui étaient déçus du départ de Poyet parce qu'avec Poyet, ils ont eu des résultats et c'était quand même un coach qui était très droit. Moi, j'ai adoré le coach Poyet en lui-même. J'ai rien à dire sur le coach hein, en soi. Donc je peux comprendre l'attitude des joueurs qui vivent ça de loin, qui voient pas qui gère pas la vente du club. Ça doit être très vraiment compliqué d'être joueur des Girondins en ce moment. Et voilà, lui maintient que certains joueurs étaient pas contents. Moi, l'info que j'ai eue, c'est juste que les joueurs étaient déçus, mais que personne n'y avait pas eu de grève, etc. Et qu'on était aussi sur une veille de match, donc pas forcément de retour sur tous les terrains. La question que je me pose, c'est est-ce que le fait que l'info sorte, est-ce que ça n'a pas obligé le service de com des journaux à envoyer tout le monde sur la pelouse? Est-ce qu'il y a, s'il n'y avait pas eu cette info, certains joueurs seraient restés que en salle? Parce qu'au final, là, ça devient très compliqué de savoir. De retour des joueurs, quand même, c'est non, il n'y a pas de problème à ce que, ben voilà, certains sont tristes comme à chaque fois qu'un coach s'en va. D'autres, je pense, doivent être contents, tous ceux qui jouaient pas, donc voilà. Ah, mais après, Costil, Pablo, Otavio, ceux qui ont joué hier, n'étaient pas forcément sur le terrain d'entraînement, on était plus en course, donc il y a vrai. Bon, après, je sais pas, mais on verra bien de toute façon. Donc ouais, t'as. Bon, non, pas de grosses informations. Personne à part. Ouais, je pensais à un gros clash, je me suis dit, ah, il va y avoir un petit clash, ils vont s'engueuler, mais en fait, non, rien. Nickel. Belle communication, ils sont sortis tous ensemble avec un sourire ensemble, mes doigts devant. Ouais. Magnifique. Après, comme disait Marc, c'est vrai qu'en ce moment, t'es joueur des Girondins, ça doit être quand même assez compliqué. Ouais, on va continuer la discussion, on va accueillir Marc. On va accueillir l'auditeur. Aurélien qui nous appelle. Ces mots, c'était pas très compliqué, c'était Dallas à Bordeaux. C'est assez incroyable. Je vais résumer très vite. Non, c'est pas mal que tu voulais dire. Oui, bonsoir Aurélien. Oui, bah là c'est Dallas, son univers impitoyable. Là c'est ça tient à son mot. On a eu un truc surréaliste hier soir, surtout après la victoire des Girondins en cas de défaite. On aurait pu comprendre Poyet à la rigueur, mais là victoire et voilà, il continue ce qu'il a fait. Il avait déjà fait une première fois, rappelez-vous, où il avait dit que il n'y avait pas de recrues au mois de juillet, etc. C'était pas normal et tout. Là, il a mis un bon coup de pied au cul aux dirigeants. Est-ce que c'est normal? Non, pas tout à fait. Est-ce qu'il a ce que Poyet a ses torts? Bien sûr que oui, quand on fait jouer Sankaré en neuf, on a ses torts. Après, je serais plus du côté de Poyet, même si Poyet. Heureusement à Bordeaux, on a su, grâce à en tout cas à Diabaté 33, que Poyet a refusé nombre et nombre de joueurs, malheureusement. Mais heureusement, on ne les connaît pas les noms. Donc, oui, des fois, voilà. Il a peut-être eu raison, des fois. Ah, peut-être, mais on a su qu'il y avait des dossiers très très chauds, dont le Croate qui devait signer à Bordeaux et qui finalement est parti, je crois, à Cagliari. Aurélien, honnêtement, entre Bradaric et Basic, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent le championnat croate pour dire la différence. Ça je pourrais pas dire, je les connaissais pas et tout. Après voilà, je vais pas dire l'un est meilleur que l'autre, etc. On sait qu'il y a eu quelques dossiers qu'on aurait pu accélérer et que soi-disant, Poyet n'était pas dessus, etc. Mais le problème, c'est que Martin l'a dit, etc. Il a dit, c'est pas Poyet qui commande, c'est moi. C'est lui. Bon, sauf que lui ne commande rien par ses conneries. Depuis qu'il est là, on n'a jamais eu autant d'histoires à Bordeaux de mauvaise gestion depuis qu'il est là. C'est quand même incroyable. On a eu le cas Carasso, on a eu Gourvenec. Rappelez-vous, l'année dernière, quand c'était chaud avec les Ultras, ce n'est même pas Martin qui a été voir les Ultras, c'était Jean-Louis Triot. Pas forcément à la demande de Stéphane Martin, mais après voilà, disons Triot a de lui-même la situation en gros, parce que Jean-Louis Triot savait que ça se passerait peut-être mieux avec lui qu'avec Martin, mais bon après oui, mais voilà, le problème c'est que alors dans un mois l'arrivée des Américains, j'espère que la première chose qu'ils vont faire c'est dégager Martin et Ramé. Et puis, à titre personnel, je rajouterai Alain de Wessler aussi dans la charrette, tant qu'à faire. Jeanne 203. Oui, ça, malheureusement. Oui. Ça, les gars, après, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde autour de club. On sait que, à un moment donné, il y a eu une guerre un peu Ramé-Carasso. Carasso qui est arrivé, qui a été titulaire sous Laurent Blanc. Ramé qui finalement est parti. Il revient. Le départ de Carasso, on n'a jamais compris comment, pourquoi, même lui. Enfin, bref, voilà. Il y a eu tellement de problèmes. Et là, Poyet, excusez-moi, quand ils prennent Poyet pour les Américains, nombre de personnes ont dit attention, Poyet, il a ce comportement-là, regardez, il est parti et tout, etc. Comment il est? Mais Poyet, surtout, c'est comme disait Cyril tout à l'heure, depuis quelques années, alors on va pas s'amuser à dire 2009, 2000, mais depuis quelques années, titre. Voilà, on va dire depuis grosso modo l'après-titre un petit peu, parce que l'année d'après était quand même. Non, mais c'est le déclin. Tu peux dire depuis la Coupe de la Ligue perdue par Laurent Blanc. Oui, ça commençait à monter, et comme on avait jusqu'à présent que des coachs, alors de qualité, ça après chacun en jugera. Mais ne parlait pas, qui discutait pas les ordres et tout, qui était bien sous tout rapport, qui était le genre idéal. Là, il y en a un qui arrive, il t'allume la mèche. Donc forcément, mais depuis Gilot, depuis même Tigana, il en a un. Bien sûr, il s'est allumé. Tigana quand même est arrivé sans adjoint, sans personne. Il s'est fait dégommer en interne par Pavon qui voulait sa passe, etc., etc. Et pourtant Tigana n'était pas réputé pour avoir sa langue dans sa poche. Tiens, à propos d'adjoint, on apprend également que le staff de Gustavo Poyet quittera le club, à l'exception de l'entraîneur des gardiens, dont j'ai mangé le nom, mais c'est l'entraîneur des gardiens. Tifo, non, un truc comme ça, non, je crois. Tarico. Rubio, non. Ou je sais pas comment il s'appelle. Tarico, c'est. Non, c'est non, l'autre. Non, Rubio, ou pas un nom comme ça. Sur le chat, aidez-moi, oh, ami du chat, j'ai mangé le nom de l'entraîneur des gardiens, enfin, Tifo, non. C'est pas Gruyot. Ah, mais non, mais j'ai entendu. Si, non, j'ai jamais entendu mais parler si, de ma vie. Je l'ai lu tout à l'heure, là. Là, je l'ai, bougez pas. Allez, on joue qui est-ce? Mais non, Paolo Griot, voilà. Griot. Lui, il reste, il est entraîneur des gardiens, il reste. Par contre, normalement, c'est le staff. Donc, le futur entraîneur qui arrivera à Bordeaux devra également arriver avec un nouveau staff. Ça fait 5 ans, 2 ans, on est pas mal, je pense, on est bien, là. Pas 5, j'exagère, mais au moins 4. Donc on est pas mal. Bordeaux la belle endormie. Pouillet l'a réveillé, mais là, on m'en entend parler pendant 10 ans. Là. Aurélien, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. C'est Aurélien. Tout à fait, oui. Et Aurélien, je vais te dire, franchement, hier soir, alors mes collègues, je sais pas, mais en sortant du stade, tranquille, je suis dans la bagnole, bon, on commence un petit peu à réfléchir. Oui, enfin, en écoutant RMC avec Marc et Enzo qui sont brillamment intervenus dans l'after. Pareil, c'est ça. Pareil, la sortie du match et tout. Ouais, c'est... RMC et là en direct conférence de presse de Pouliette. Voilà. Et là, écouter, dans la et là, non, attends, c'est même pire que ça. Avant ta costume, bon, ouais, c'était bien, bon, c'était dur, blablabla, la gantoise, ok, nickel. Marc se fait interrompre une première fois. Derrière, il revient. Gilbert lui fait attention, on a Pouliette. Ah, boum, Pouliette est là, bombe à proton, mon pauvre. Le truc d'entrée, il lui pose la première question. Vous êtes satisfait? Non, c'est les pires joueurs de ma vie dans ces clubs. Et là, j'ai fait ok. Magnifique accent. Et là, j'ai fait ok. Oui, je fais très bien Gustavo Poyet aussi. On peut faire une fausse interview. Meilleur coca plat, quoi. Si, yes, we're très content d'être ici. Non, mais et là, je me suis dit, ok, bon, l'émission de demain, va falloir faire quelque chose, ça va changer. Tiens, rapidement sur la succession, Aurélien, t'as une préférence, le souci, et c'est peut-être même des noms qui n'ont pas été évoqués aujourd'hui dans la presse. Oui, ben le problème, c'est que ce qui est sorti dans RMC Doux, RMC, etc., on dit que les dirigeants bordelais avaient depuis quand même quelques temps, donc ils se préparaient quand même à dégager ou à ce que Poyet parte, certains noms, dont Thierry Henry. Bon, ça ferait plaisir, mais on va quand même se rappeler le cas Zidane, hein, où il devait signer, on se rappelle Pierre Sled, je crois que c'était ça, qui avait dit il va signer, c'est fait, etc. Et bon, non, mais voilà. Aurélien, honnêtement, moi, de la liste que Clément Carpentier a sortie, parce que c'est les six noms qui sont grosso modo un peu repris à chaque fois. Ceux qui sont libres, les plus gros noms voilà. Actuellement qui sont honnêtement, dispo, donc, les six, je les prends. Oui, il n'y en a pas un que je dis non. Ah ben oui, c'est sûr, mais le problème, c'est que voilà, on... Il y a peut-être Klinsmann, il y a peut-être Klinsmann que je connais pas trop et je pense pas qu'il ait une expérience. Comment ça tu connais pas Klinsmann? Non, si, en tant qu'entraîneur. Sélectionneur des États-Unis. Ah oui, sélectionneur, mais pas entraîneur. Le boulot qu'il a fait. Oui, mais c'est un sélectionneur. En Allemagne. Non, mais Aurélien, c'est un sélectionneur. En tant qu'entraîneur pur d'une gestion d'un effectif au quotidien. J'ai pas souvenir de son travail. Par contre, la Audrup, que ça soit Laurent Blanc, que ça. C'est que des grands noms, donc ça veut dire que même comme un mec même comme Ranieri, je prends mais 10 fois. Mais bien sûr, mais oui, le mec a le palmarès à tout. Pour faire un petit peu mieux en termes de jeu qu'à Nantes, sinon on va se faire chier. Et même un mec comme Thierry Henry, il n'a pas d'expérience à part entraîneur adjoint en Belgique. Mais le mec, tu le mets dans un club, il a le palmarès, il a l'aura. Qui va faire que, par exemple, un mec comme Deprévy, n'importe quoi, même les petits jeunes, j'en sais rien, qui foutent la main n'importe quoi, t'as un mec comme ça qui est champion du monde, t'as l'aura et tout, forcément tu vas l'écouter, même si le mec n'a pas d'expérience, forcément tu vas l'écouter. Est-ce que ça me ferait plaisir qu'un mec comme Henry, comme Ranieri vienne à Bordeaux? Mais bien sûr que oui, j'adorerais. On va dire. Mais le problème, c'est qu'il faut pas s'enthousiasmer, il faut attendre. On peut imaginer que si Henry vient, on va pas le lâcher tout seul comme Laurent Blanc a été tout début. Là, on lui a mis Gasset avec lui. J'espère qu'on va lui mettre un gars qui a de l'expérience côté de lui. Sauf si lui dit j'ai pas besoin, je me débrouille. Ouais, enfin, dans ce cas-là, j'ai un peu peur. Marc. Ouais, mais le problème c'est qu'un mec comme Henri qui va dire ok, moi je veux bien venir et tout, conditions salariales, etc. Moi je viens. Par contre, tu vas te demander des garanties financières au niveau du budget transfert. Tous les noms qui ont été cités, tous ces coachs-là vont vouloir une garantie financière. Non, Gourvennec, on peut l'effacer. Gourvennec, on a dit en début d'émission que, oubliez, il y a en effet des gens au sein du Hayan qui auraient aimé le voir revenir. Mais c'est trop tôt, c'est pas une piste utilisée par les journaux. C'est trop frais. Donc, dans la liste qui est donnée, il n'y a aucun de ces coachs qui va accepter de venir sans garantie financière, peut-être pas pour ce mercato-là, mais pour l'année suivante ou le mercato d'hiver. Tous ces entraîneurs-là qui vont venir auront connaissance du projet du GAP. C'est impossible autrement. Oui, je ne peux pas me mettre à la place d'un coach, n'importe lequel de la liste, me dire ouais, j'ai à Bordeaux dans le marasme que c'est à l'heure actuelle, sans garantie. Forcément, il y aura des garanties. Après, toutes les personnes qui ont été citées sont soit des entraîneurs de renom, soit ont été des joueurs de renom et sont des joueurs de marque. Parce que quand on parle d'un Thierry Henry. Après, attention, être un grand joueur ne fait pas de toi un grand entraîneur. J'ai pas dit le contraire. Mais ça peut t'aider. Maradona est une de mes idoles, mon idole absolue. Zidane est un entraîneur tout pourri. Zidane a été un grand joueur et a l'air d'être aussi un grand entraîneur. Donc ça t'aide, ça t'y contribue. Mais comme quand tu as été un joueur nul, t'es pas forcément un mauvais coach. Donc le départ est pas là. Et l'inverse, c'est pas forcément vrai. Le Gourvennec était pas forcément un grand joueur, mais c'était pas forcément un grand entraîneur. Si, c'est moche que tu dis. C'est une blague, c'est une blague. Un très bon joueur. Ensuite, si on regarde, donc il y a aucun de ces coachs là qui va accepter de venir sans garantie, et je vous assure, il n'y a aucun de ces coachs-là qui vont venir sans garantie. Et après, ça va être à la cellule du GAP, à l'ensemble des acteurs qui vont reprendre, d'entourer correctement cette personne. Parce que le cas qu'on a eu avec Poyet, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Poyet. Mais si on en arrive là, c'est parce qu'il y a. C'est les dirigeants, c'est à un moment, c'est les dirigeants. Mais c'est juste qu'on n'a pas un homme à la tête du navire. On a un Martin qui, pour moi, est un président. Mais pour moi, qui est en plus un bon président, mais un président, c'est-à-dire qu'il est là pour gérer le financier, pour gérer la communication, l'image, l'exportation du Girondins de Bordeaux, j'ai pas de souci là-dessus, je le pense totalement capable, mais pour ce qui est du sportif, il faut quelqu'un qui soit respecté et que tu fasses respecter. Parce que le problème, c'est que si jamais l'entraîneur a pas choisi de respecter ton directeur sportif, il faut que toi tu lui imposes à le respecter, c'est-à-dire qu'il peut aussi prendre la porte. Donc, quand il n'y a pas d'homme qui a la barre du navire, forcément le navire il va à la dérive et c'est ce qui s'est passé. Et on l'a dit plusieurs fois dans les émissions précédentes de GA, attention, personne ne dirige à Bordeaux. Donc forcément le coach il choisit. C'est ce qui s'est passé. Mais bien sûr, pour Poyet, il a eu aucun mal à faire ce qu'il a fait parce que ce soit Martin, Ramé et tout, il n'a peur de personne. Il y a aucun mec finalement qui lui a dit, attends Gustavo, c'est comme si t'es pas content, eh ben on se dit au revoir. Et puis basta, mais il n'y en a aucun finalement qui a eu, comme l'a dit, il y a eu les coronets, à part Gustavo qui a eu les coronets, sinon personne ne lui a fait comprendre, ou lui n'a pas voulu comprendre que c'était comme ça. Mais là, un Ranieri, un Thierry Henry et tout, va falloir qu'ils se mettent d'accord avec les gens qui y a actuellement à Bordeaux, la série de recrutement, etc. Là aussi, ça peut aussi poser problème qu'il y ait 36 000 personnes. C'est voilà. Toujours le même problème quand alors moi de ce que je et puis après on dans les deux petites minutes on fera alors c'était une pas prévu on va faire une petite pause hein, d'une parce petite que dizaine de minutes l'émission va être longue et donc ça va être long pour nous à 20h30 on aura Christophe Houtot qui est l'agent de Gaëtan Laborde et qui nous dira sa version des choses. Sa version des choses. Voilà. On va maintenant bien faire attention à ce qu'on dit. Il nous donnera sa version de l'histoire. Que vous pourrez croire ou pas. Je disais Aurélien, voilà, ça y est, je sais plus. Oui, ça sera la même chose, tant qu'on a tous les, comment dire, les oui, choses oui. seront bien précis, quoi, malheureusement. Voilà. J'ai l'impression que dans ce club, tu prends des mecs qui veulent, qui ont des projets, des machins, mais que tu leur donnes pas forcément les moyens ou que tu, enfin, je sais pas, si tu prends Thierry Henry, tu te doutes bien que Thierry Henry, je vous ferai remarquer d'ailleurs, faut pas avoir la mémoire courte, que Zinedine Zidane n'est pas venu à Bordeaux, pas parce qu'il aimait pas Bordeaux, pas parce qu'il aimait pas Martin ou Taverneau ou Trio, je sais pas qui était. Car le club n'a pas pu lui donner le budget. Voilà, parce que le club ne pouvait pas lui donner les moyens. À un moment donné, faut aussi se donner les moyens de nos ambitions. Si tu fais venir Ranieri, bon, tu me diras, Ranieri est allé à Nantes, c'est pas pour ça qu'ils ont dépensé des millions. Mais si tu fais venir Laurent Blanc, surtout avec le passé maintenant qu'a Laurent Blanc, à l'époque il était jeune entraîneur, inconnu, et maintenant il est entraîneur coté d'un club qui a fait plusieurs fois, il a fait plusieurs fois des quarts de finale de Ligue des Champions, il a gagné le trophée, enfin bref, voilà. Eh ben ces gens-là, va falloir leur donner les moyens. Et forcément, ça marchera pas si tu les fais venir et tu joues à la petite, tu comptes la petite monnaie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À faire le gripsou à droite à gauche sur un million, un machin, un truc. Bien sûr. Après, on est d'accord que là, si vraiment les Américains, dont Dagrossa, veulent faire un gros coup, veulent montrer qu'ils sont là et tout, le meilleur coup possible, et en plus pour montrer Bordeaux aux États-Unis, c'est Thierry Henry. C'est le meilleur coup possible, non seulement en plus pour vendre lui son image, mais l'image des Girondins auprès des Américains. Donc ce serait théoriquement, le meilleur coup possible. À moyen terme. Ben après, je suis pas sûr qu'en cours de saison, Henry ait les capacités de gérer un club en crise. Moi, c'est le gros point d'interrogation que j'ai sur Henry. C'est là, on est grosso modo dans une crise à la deuxième journée de championnat. Est-ce que Thierry Henry, novice dans le métier, a les épaules pour gérer ça? Moi, c'est mon gros point. Après, si Henry, il arrive, on va dire, en juin prochain et qu'on trouve un entraîneur qui fait la saison, là, moi, je dis Bédoué, banco. Hein. Il y a le pompier de service à chaque fois, c'est Thierry Bédoué, et voilà. Bédoué fait 2, 3, 4, 5 matchs, mais là, on lui demande de faire 37 matchs. Donc, c'est ça le problème. Ça va être compliqué. Ah oui, mais bon, il y a aussi ce problème-là. Si, donc, il devrait normalement virer Poyet. Mais Poyet, je suppose qu'il va pas se laisser faire, donc ça va partir au prud'homme. Ah, c'est pas impossible. Donc, c'est qui c'est qui va payer les indemnités C'est Bibi. À ce moment-là. Bah, GAPC, je pense que ça va être pour eux, hein, à moins que. C'est M6, naturellement, c'est M6. Oui, non, ça sera le club pour l'instant, arrive, c'est encore M6. En tout cas, écoutez les enfants, on verra bien ce qui va se passer. Aurélien, merci beaucoup. Je suis désolé, on a un programme un petit peu chargé ce soir, donc on doit. Merci à vous et continuez comme ça. Mais merci à toi vraiment. Aurélien. Et puis, quand tu veux, si t'es sur Bordeaux, que tu veux passer, passe. Et puis, si tu peux pas, parce que t'es pas sur Bordeaux, t'es le bienvenu dans l'émission. Il y a pas de souci. Merci Aurélien. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Hop là, on va donc faire une petite pause d'aller, on va dire petite dizaine de minutes, peut-être même un peu moins, et on enchaînera à 21h30 avec notre prochain invité, Christophe Hutto, l'agent entre autres de Gaëtan Laborde. Marc, mon petit bonhomme. On est là ce soir pour le temps qu'il faut pour passer aux appels. Donc pas de stress, vous pourrez nous appeler après. On passera tout le monde. On passera tout le monde. Donc allez-y, appelez, on prendra vos noms, on vous rappellera. Mais en théorie, on passera tout le monde. Donc ne craignez pas que voilà. Appelez pas pendant la pause parce qu'on va les souffler dehors. Exactement. Allez Marc, si t'es chaud mon petit bonhomme, t'appuies sur le bouton. C'est parti. À tout de suite. On est autour dans Gironde Analyse. On est charrette ce soir, mais c'est ça qui est bon. Donc on est de retour dans Gironde Analyse, RIG90.7 FM, RIGFM.fr. Vous pouvez nous suivre, réagir sur le hashtag direct GA sur Twitter, sur Facebook, sur le chat évidemment. Vous pouvez rejoindre nos amis du chat présents ce soir, il y a déjà plein de monde, ça fait plaisir, merci à vous. On devrait avoir normalement en théorie à 35, il est 30, parfait, on a 5 minutes, donc on va pouvoir faire un petit, la petite surprise du soir quand même. Reims qui mène 1-0, il se passe quand même autre chose. Tiens, que font Lorient et Valenciennes, puisqu'il y a un match au Matmut ce soir, et c'est un gros match les gars. Qui s'en fout, lève la main. Il y a du spectacle, je suis désolé. Lorient mène 3-1 face à Valenciennes. Il y a du spectacle, mais c'est à huis clos. Donc en fait, il y a du spectacle pour personne. Ah, je croyais qu'on pouvait y aller. Et Mancini, tiens, Auxerre mène 1-0 face à Nancy. Et Daniel Mancini est titulaire. Je sais pas s'il a marqué, mais il est titulaire. Il a marqué en Coupe de la Ligue. Oui, mais c'est pas lui là qui a marqué. Donc à Lorient, à Bordeaux, à huis clos. 3-4, 5, 6, 12. Lorient donc mène 3-1 au Matmut. Ouh la vache, ça doit faire bizarre ce match à huis clos dans ce grand stade là tout vide. Puis ça va faire bizarre à Landreau pour une fois qu'il vient à Bordeaux, qu'il a pas sa chance. Qui se fait pas insulter. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc Reims, je vous disais, sur un but de Chavaria à la demi-heure de jeu, mène 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. Bon, alors c'est pas encore la mi-temps, hein, donc il y a le temps, vous inquiétez pas. Si, j'ai vu une info transfert aussi qui concerne pas du tout les Girondins, mais c'est quand même un truc important. Jérémy Gonalon, l'ancien Lyonnais qui était à la Roma, il part au FC Séville, mine de rien. Ils font un petit recrutement qui est quand même pas dégueu cet été. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous pouvez donc, Enzo, toi tu gères tout ce qui est Twitter. Vous pouvez, Enzo, il est comme un ouf depuis le début de l'émission. Il a jamais autant, on l'a jamais fait autant bosser. Il a les doigts en feu. Ah ouais. Là, c'est Goldfinger, mon gars. On l'a jamais vu autant. Il a quand même demandé une prime à la fin de l'émission. C'est DJ Goldfinger. On l'a jamais vu autant bosser s'activer. Depuis qu'on a commencé l'émission. Bah ouais, mais faut dire quand même temps que c'est un petit peu exceptionnel ce qui va se passer. Et puis alors, attendez-vous à ce que ça soit pas là dans les heures, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui arrivent. Il est possible qu'on déborde aussi un petit peu certains vendredis. Oui, mais ça va se calmer un peu. Parce que là, tout va s'enchaîner. Tu vas avoir le coach, le rachat. Mais pour vendre Poyet, déjà que ça prend une semaine. Donc, alors, Gus Poyet, oui, on l'a dit rapidement tout à l'heure. Il est actuellement, comme disait Marc, toujours sous contrat. C'est une raison administrative. Une petite réaction. Mais c'est juste, imaginez 30 secondes. Le mec, il revient dans une semaine et il redevient coach. C'est juste Impossible à imaginer. Bah, non, c'est juste impossible. C'est impossible. Tu te fais dégager. Ah oui, tiens, juste. Attends, il y a un an, alors, on en est. Juste parce que, vu que la journée était pas suffisamment chargée comme ça, cet après-midi, il y avait le président de Guingamp, Bertrand Desplat, qui était invité chez nos, pas nos confrères parce qu'on n'est pas journaliste, sur une radio qui fait du talk et du sport et de l'info, donc RMC. Et puis comme la journée n'était pas suffisamment chargée, ben le mec il a dit ok, par rapport au transfert de Briand, il va y avoir une bataille juridique qui va évidemment s'engager. On ne peut pas imaginer qu'un joueur qui est sous contrat avec un club puisse se retrouver libre de s'engager avec un autre club. C'est pourtant ce qu'il s'est passé. C'est un imbroglio juridique et une somme de négligence qui ont pu avoir lieu de la part des différents acteurs. On va donc faire la lumière sur tout ça, en restant dans l'élégance qui est la nôtre, pour que justice soit rendue, justice pour Jimmy. Certains de mes collègues ont eu l'élégance de ne pas aller dans le dossier, ça n'a pas été le cas de tout le monde, et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans des clubs du Sud-Ouest, je me dis qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, et quand on gère mal les dossiers, généralement, on gère mal les autres. Donc là, c'est tacle à la gorge, direct, à la carotide, pour le FCGB, de la part du président de Guingamp, qui... Bon, on peut comprendre qu'on lui prêtera un joueur, il se calmera. Oui, voilà, on lui prêtera Pungé et puis il sera content. Il y a eu une réaction aussi sur évidemment, j'ai perdu la brève. Hop, elle est là. Roland Courbis a réagi aux futurs noms qui sont parus cet après-midi, les noms des futurs entraîneurs. Il a réagi sur le nom de Jürgen Klinsmann. Qui dit voilà, si t'es un coach passionné de football comme nous le sommes beaucoup, les Girondins de Bordeaux, j'y vais à pied et gratuitement. Enfin gratuitement, payé au rendement, au match et au classement. Mais c'est les Girondins, déjà la région, le club, l'histoire, le château, le stade. Mais plaisanterie mise à part, je pense qu'il faut quelqu'un d'expérimenté. C'est dans cette liste-là, alors il y avait Laudrup, Henry et Klinsmann notamment. Quand j'entends parler de Jürgen Klinsmann, ça, tu ne peux pas me dire que ce n'est pas sorti des Américains de JACP. Il a été sélectionneur des États-Unis. Bordeaux n'est pas officiellement vendu, mais par moment, on ne sait plus qui fait quoi. Donc, il est temps qu'on soit fixé. Il faut être très clair là-dessus. Les négociations avec les Américains ont commencé avant que Poyet arrive, puisque Poyet est un choix, était limite un. Une preuve de bonne volonté de la part de Nicolas Taverneau envers les Américains. Les Américains voulaient lui, ils ont dit ok, nous on avait quelqu'un d'autre, mais on vous le prend. Aujourd'hui, quand M6 et le GACP annoncent que c'est fait, c'est que c'est fait. Il faut que ça passe devant le conseil de la métropole, etc., à cause du stade, pas de souci. Mais je ne peux pas croire une seule seconde qu'il y ait un doute sur le dossier. Et même s'il y a un doute, je ne vois pas comment une seule seconde les mairies vont dire non, alors que c'est même si ça a décidé de ne plus mettre d'argent et que le football reste quelque chose d'important pour le rayonnement de la ville. Donc j'ai du mal à croire, surtout comme vient de nous le dire j'ai oublié son nom, le précédent journaliste qu'on est Adrien Mathieu, la bombe qu'il a juste lâchée, je sais pas si vous vous rendez compte de qui est Unchust. Oui, Cyril, ça, s'il est pour toi, voilà, celui-là. C'est juste un milliardaire qui possède les Lakers, qui possède un bon nombre de galaxies. Voilà. Il est dirigeant de la MLS, il est président de AEG. Et on a affaire à des milliardaires, à des gens qui sont dans l'événementiel, qui possèdent des stades. Je ne crois pas une seule seconde que derrière il n'y ait pas, un, les garanties suffisantes, d'autres projets. Pour ceux qui savent ce qu'est le Staples Center. Staples Center. Ouais, voilà, mais ça appartient à Anschutz. Voilà, bah tout ce qui est plus ou moins lié aux Lakers appartient à Anschutz. Ouais, j'y arriverai jamais. On va l'appeler Hans. Papa Schultz. Hans, au pire. Hans, oui, Hans, ça passe bien. Puis c'est le nom d'un méchant dans Die Hard, ça sonne bien. Sur le chat, on a quelques réactions. J64 qui nous dit les négos sont finis et dans le délai de procédure de vente, aucun doute sur le dossier. Oui, les gens qui aujourd'hui mettent des doutes sur ça, c'est juste qu'ils n'ont pas suivi le dossier. Je peux pas leur en vouloir, mais ça fait trop longtemps qu'on en parle, beaucoup trop longtemps. Et puis quand tu sais que tu n'as pas licencié Poyet avant parce que les Américains ne voulaient pas le licencier et avoir à gérer ça, donc il fallait une catastrophe pour que ça arrive. Donc des fois on peut même se demander si là va tout fait pour qu'il pète un plomb. Tu veux pas en arriver à ce point-là si c'est pas entériné. J'y crois pas, mais pas une seconde. Et je voudrais qu'on ait une pensée quand même pour un homme. Je viens d'y penser à l'instant. Qui hier, quand il a dû entendre la conférence de presse de Gustavo Poyet, il a dû se dire: putain, je vais encore m'y coller pour la quatrième fois de... en 10 ans. C'est Eric Bédoué. Le pauvre garçon, à chaque fois, le pauvre. Mais, c'est lui qui s'y colle, ceci dit, à chaque fois, on est plutôt. L'année dernière, à Nantes, non, il est où c'est qu'on avait gagné? Ouais, à Nantes, ouais, 1-0. Le pauvre, à chaque fois, c'est lui qui s'y file, quoi. Avec plus ou moins de. Enfin, avec plutôt du succès. Bon, je pense que Bédoué, il est pas dupe, il sait très bien. Alors, je sais plus où j'ai vu ça cet après-midi. Il est au moins là pour le match de dimanche et pour. Mercredi, jeudi. Bonjour. Jeudi. Le match aller contre la Gantoise. Mais avec Bédoué, on peut se qualifier. Ce qui veut dire que nous n'aurons pas le nom du futur entraîneur des Girondins avant minimum jeudi prochain. Toujours bien. Disons qu'il a été moins virulent parce que. Enfin, il a allumé dedans, tu veux que. Pour le compte la première phrase pour de l'interview. Pour le compte d'Eurosport et d'RMC, il a quand même dit Gustavo se sentait peut-être réellement le boss du club après que les Américains se soient mis d'accord avec M6 il y a quelques semaines pour le rachat des Girondins. Parce que n'oublions pas que Poyet, il a toujours laissé sous-entendre dans les coulisses qu'il a été recommandé par les futurs investisseurs du club. Donc se sent-il le patron? Point d'interrogation. Est-ce que c'était calculé? Point d'interrogation. C'est possible. Il est beau le scud là. Mais c'est, par contre, c'est vrai. Gustavo Poyet, a été le Girondin de Bordeaux parce que les Américains ont fait la demande qu'il le soit et, dans les négociations pour montrer qu'il était dans le conciliant a donc recruté ce coach. Voilà, il y a eu derrière après des propositions, mais on peut aussi vous proposer Fernando pour l'accompagner, pour le club, etc. Tout avait été mis pour M6, du moins dans la vision M6, tout avait été mis en œuvre pour que Poyet soit dans les bonnes dispositions quand le club serait vendu. Bon, voilà. Après, est-ce que ça a réellement été bien fait? Ça, on vous laisse juger. Vous merci maître de votre jugement. Merci Marco, notre dernier invité de la soirée est au téléphone avec nous. Juste avant, mine de rien, 70e minute et Reims mène toujours 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. J'ai envie de vous dire, messieurs, ce match, c'est pas Reron, c'est pas Valladolid. Pourquoi? Parce que ce soir, il y a Reron Valladolid, première journée du championnat espagnol. Fallait que je la fasse. Oui, ouais, oui, fallait que je la fasse. On peut annoncer le début de la libre antenne maintenant. Oui, bah quelle heure il est? 23h. Tous ceux qui veulent intervenir, n'hésitez alors, si pas. Si vous voulez appeler, ça sonne. J'allais dire si vous voulez appeler c'est maintenant, et ben c'est maintenant. Juste avant qu'on enchaîne, c'est terminé à Reims et c'est la mini surprise de cette deuxième journée de championnat. Reims a battu l'Olympique Lyonnais 1-0. Donc on a Florian pour l'instant au téléphone qui va intervenir au téléphone. Quand je l'ai eu tout à l'heure, il était atterré de l'ensemble des réactions. Donc il va pouvoir donner son avis. On a Dexter qui va suivre. Et là tout de suite, mais je vais être la fille de service, la standardiste de service. C'est misogyne ce que je viens de dire. Et donc on a au téléphone. Donc on a Florian au téléphone, suivra Dexter. Et donc si vous voulez intervenir, on a décidé de pas stopper l'émission tant qu'il y avait des gens qui voulaient intervenir. Ouais, alors donc, allez-y. Alors faites pas non plus genre on les tient jusqu'à 3 du mat, tu vois. Ouais, non, parce que nous on va arrêter. Intervient. Bonsoir Florian. Salut les gars. Ah mais Florian, mais oui, mais toi tu me dis Florian, mais dis-moi Florian. Quoi? Bonsoir Florian. Oui, pardon. Excuse-moi. Oui. Non, j'ai compris. Non, je suis passé il y a peut-être 2-3 semaines, donc peut-être que c'est. Mais oui, non, mais ah, d'accord. Ah, voilà, j'ai pas vu. C'est le Florian, le Bourguignon, l'un des responsables des Ultramarines. Non, mais je pense qu'il m'aurait envoyé un texto, il m'aurait même pas appelé là. Alors, Florian, non. Que t'as pu écouter un petit peu ce qui s'est dit dans l'émission, t'as pu. Ouais. Voilà, qu'est-ce que déjà toi tu penses de ce qui s'est passé hier? Et puis, bah, je sais pas si t'as des réactions par rapport à ce que t'as entendu, est-ce que t'as été convaincu, pas convaincu, enfin. C'était peut-être pas non plus forcément le plus. Du coup, depuis 20h, vous avez déjà fait pas mal le tour du sujet. Oui, je pense que là, on est pas mal. on est bien. Sacré tour d'établir, on va dire. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce que c'est le profil qui vous manque, je trouve, ce soir à l'antenne. Tous vos invités, jusque-là... On n'a pas parlé de nous encore. Hein. Plutôt vos invités. Vos invités ont plutôt défendu MC dans cette histoire et pas craché sur Poyet, mais on va dire voilà le mettre en tant que responsable. Moi j'ai un petit peu un souci avec ça quand même, c'est que c'est pas dans la totalité quand même. Il y a quand même Clément et Adrien qui sont beaucoup plus mitigés que ça. Ouais, mais il n'y a pas eu vraiment de défenseur de Poyet. Alors moi, je me considère pas comme défenseur de Poyet intrinsèquement, mais plutôt j'essaie de voir les choses de manière réaliste. Vous en avez parlé, le mercato a été, enfin l'été de toute façon a été super mal géré par M6. Mais est-ce que c'est une surprise? Je pense pas. C'est pas une surprise. Ça fait des années qu'M6 pour parler crûment, font de la merde à la tête du club. Et là, le rachat du club, il arrive, mais super tardivement. Un club, tu le rachètes, alors t'officialises ça en mai ou en juin, tant pis, tu fais pas ça en juillet. Enfin, moi, je trouve ça, c'est un truc intolérable. Deuxième info, j'ai entendu tout à l'heure sur RMC, juste avant Monsieur Hutto qui est passé tout à l'heure à l'antenne aussi, on est le dernier club, hormis Tottenham qui n'a pas recruté, à recruter cet été, le dernier club des 5 championnats européens. Moi je pense que ça témoigne quand même d'un amateurisme mais profond. Quand tu démarres une campagne d'Europa League en fin juillet, tu peux pas te permettre Florian, de recruter début août. Il y a quand même une donnée qui est très importante. Alors certes, le rachat du club a été hyper mal calibré, ça aurait jamais dû se faire fin juillet, mais ça se fait fin juillet. Tu peux pas en fait, tant que Malcolm n'était pas vendu, le club n'aurait pas été vendu. Et si Malcolm, on l'avait vendu, mettons, fin août, mais on peut penser qu'on n'aurait pas fait de mercato. C'est malheureux, mais Malcolm faisait partie. Malcolm, faut le faire même avant la Coupe du Monde, quoi. Bon, après, ça dépend des offres, ça dépend de pas mal de choses. On a été bloqué par l'Inter, qui pendant très longtemps ont essayé de batailler sur des sommes avec des moyens de paiement parce qu'ils étaient pris par le fair play financier. Et puis après, il y a eu la Roma qui a négocié les prix à la baisse. Il fallait que M6 accepte de baisser leurs indemnités. Et puis tout d'un coup, Barcelone arrive et puis là, ça se fait. Et Barcelone, ça s'est fait en 24 heures. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis totalement d'accord avec toi sur l'analyse des 9 dernières saisons où M6 a fait merde après merde après merde et tous les ans c'était un peu pire. Pas un peu pire, ça se dit pas, excusez-moi. Mais tous les ans c'était pire. Mais là, sur le coup, je pense qu'on a été pris par le mode de rachat en fait. En incluant la vente de Malcolm dans le rachat, on s'est tiré une balle dans le pied. Tout ouais, mais Malcolm, on le sait qu'il va partir à la fin de la saison. Pourquoi ce transfert n'est pas bouclé dès l'hiver? Dès l'hiver, il doit être bouclé ce transfert-là. C'est ça que je comprends pas. Dans les grands clubs, mais c'est impensable que le joueur majeur parte comme ça dans un dernier coup de fil. Enfin, ça se joue dans les dernières 24 heures. Enfin, moi, je trouve qu'on marche sur la tête. Enfin, M6 marche sur la tête, mais c'est pas nouveau. Après, le deuxième point que je voulais relever, j'ai entendu Monsieur Hutto sur votre antenne qui a dit exactement la même chose en un peu plus détaillé que ce qu'il a dit sur RMC. Mais en même temps, s'il aurait dit des choses contraires, ça aurait été inquiétant. Mais faut penser aussi que Monsieur Hutto, il protège ses intérêts avant tout. Il va pas venir et cracher sur Bordeaux, sachant qu'il a d'autres affaires en cours avec Bordeaux. Il l'a dit lui-même. Enfin, moi, je comprends pas qu'on. Évidemment. Ça n'a pas été dit. Florian, on a invité quelqu'un du club, bon, qui nous a gentiment écarté. On a l'habitude d'inviter le club qui nous répond jamais. Donc, on a eu la possibilité d'avoir un des intervenants dans l'affaire. On ne s'est pas gêné de l'avoir, tout simplement. Après, il est évident que. C'est bien de donner la parole aux gens. Mais voilà, il faut voir que chacun protège ses intérêts dans cette affaire. Et d'ailleurs, je pense fortement à Gaëtan Laborde qui se retrouve au milieu de tout ça, qui lui, je le sais, est un amoureux du club. Et lui, par contre, ça doit lui faire tout drôle de se retrouver au milieu de tout ça. Le pauvre Gaëtan, d'ailleurs, je lui souhaite grande carrière. Enfin, grande carrière, on sait tous qu'il sera pas le grand buteur en Ligue des Champions, machin chose. Mais chacun protège ses intérêts dans cette histoire. Moi, je trouve que cette affaire Poyet, mais c'est parfait pour M6 pour se cacher derrière l'amateurisme dont ils font preuve depuis des années, pour se retirer avant de laisser la main aux Américains. Et d'ailleurs, même cette histoire de gestion avec les Américains, vous l'avez dit il y a quelques minutes à l'antenne, il y a actuellement M6 et les Américains qui gèrent un club, mais c'est pas possible. Il peut y avoir qu'un seul patron. Faire un recrutement qui, pour lui, pour M6, on prend lui, pour les Américains, on prend lui, c'est juste pas possible. Il peut y avoir qu'un seul patron dans un club, et ça, c'est vu à Saint-Étienne. Ils ont failli couler à cause de ça avec leurs deux patrons qui s'entendaient pas. Dès que les deux, il y en a un qui s'est retiré, tout de suite, on l'a vu, Saint-Etienne a repris le cap. Voilà, c'est pour moi, c'est d'un amateurisme, mais hallucinant de la part d'M6. Je sais pas quoi dire de plus. Là, il y a deux semaines, je suis passé, on va me dire que j'ai un petit peu retourné mauvaise, parce qu'il y a deux semaines, les Américains rachetaient, j'ai dit, ouais, M6, quand même, on a vécu de belles années, mais il faut voir ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a depuis quelques années. Et moi, je trouve que là, c'est de l'amateurisme total. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot pour moi. Mais l'amateurisme. Hein, mais... Alors, je vais rendre la main à mes collègues, mais c'est ce qu'on a tweeté sur Twitter. C'est bon, j'ai mal un peu à le dire. Donc, on vous invite à réagir sur le hashtag DirectGA. D'ailleurs, je l'ai pas mis le hashtag. Mais la question à Mignon, c'est comment le club des Girondins a-t-il publié le groupe à 19h en y faisant figurer Gaëtan Laborde, sachant que Uto a prévenu le club à 16h le départ du joueur. Si là on n'est pas dans de l'amateurisme et comme de ce qu'il y a de plus beau, moi je vais en rajouter une parce que je viens d'avoir mon papa au téléphone et Christophe Uto, alors bon, on n'a pas pu entendre ce qu'il s'est dit, ce qu'il a dit un peu plus tôt sur l'antenne de RMC, sinon je l'aurais relancé là-dessus. Il l'a dit sur RMC, donc c'est vérifiable, voilà, il suffit juste de réécouter les podcasts. Christophe Uto a eu Gustavo Poyet. Enfin, Gaëtan Laborde a appelé Gustavo Poyet pour lui dire voilà coach, je suis à Montpellier, il se passe ci, il se passe ça. Il a eu aussi Christophe Uto au téléphone. Gustavo Poyet a expressément demandé à Christophe Uto de ne pas faire signer Gaëtan Laborde tout de suite, le temps de se retourner. Et Christophe Uto lui dit écoute, c'est trop tard, il a signé hier. Et ça c'était donc la fameuse le fameux coup de fil qu'il reçoit jeudi midi. Il lui dit c'est trop tard, il a signé hier. Voilà. Ouais, mais c'est ce qu'il a dit chez nous. C'est pas fini. Mais 15 millions, etc. Et Poyet lui dit, mais tu comprends, Gaëtan, c'est un joueur qui peut marquer 12, 10, 15, 20 buts par saison. Et ce à quoi Christophe Uto lui répond, tu me dis ça et en même temps tu me le fais pas jouer. Et si tu le fais jouer, c'est 5 minutes par match et tu comptes pas sur lui. Donc voilà, il comprenait pas. Il y a eu un espèce d'imbroglio général. Il y a sûrement des gens qui nous disent pas la vérité, que ça soit d'un côté ou de l'autre. On va pas se mentir, hein, parce qu'il y a pas le côté des gentils, le côté des méchants. Hein, c'est pas ça. Protège ses intérêts. Oui, voilà. Mais voilà, exactement. La vie, c'est pas ça. Hein. C'est chacun essaye de s'en tirer le moins salement possible, comme il peut. Là, en l'occurrence, c'est celui qui a le mauvais rôle côté média, c'est Poyet. Et côté supporter, il a le bon rôle, hein, parce que clairement, c'est ça. Et ceux qui ont le mauvais rôle côté supporter, c'est le club et les agents. Et ceux qui ont qui ont le bon rôle. Voilà. C'est comme ça. Après, oui, Cyril. Non, mais moi, je voulais juste poser une question après à Florian, mais vas-y, ouais. Finis ce que t'as. Bah, non, ça, voilà, c'était juste. Moi, Florian, j'imagine que tu, on peut pas imaginer que Poyet va rester, donc, pour l'avenir, est-ce que tu vois plus un coach style Ricardo Ranieri dans le but de reconstruire? Ou est-ce que tu prendrais un coach novateur, comme Henri, comme on avait pu lancer Laurent Blanc à une époque? C'est une bonne question, ça dépend de la vision des Américains, ça c'est les Américains qui vont choisir, ça dépend de la vision qu'ils ont, eux, maintenant on sait que, pour faire des généralités, mais parce qu'on les connaît pas ces investisseurs, donc on va faire des généralités, les Américains ils sont plutôt des flambeurs quoi, donc on peut imaginer qu'ils vont faire venir Henri, vous avez dit tout à l'heure, il a le profil parfait, machin chose, maintenant je dis ils vont faire venir, ils vont essayer, parce que Henri ça coûte très cher, etc., mais non, moi je pense que Henri ce serait pas une mauvaise idée, en plus il, en Belgique la sélection au niveau offensif, puisqu'il s'est occupé de ce secteur là elle a plutôt bien marché, je pense que c'est une bonne idée. Après moi ce que je pense, que si M6 a son mot à dire, ça sera quelqu'un qui viendra pour fermer sa gueule, comme on a eu avant Poyet. Bah comment j'allais dire, je pense qu'M6 en a, comme c'est on bon, a eu, faut fermer le livre là, faut le fermer le livre et le mettre à la cave. Mais de toute façon, ça va arriver, hein, à un moment donné, ça va arriver. Mais oui, mais je suis pas forcément mécontent, donc merci, excuse-moi, ouais. Allô? Oui. Ah oui, j'avais plus rien dans le casque. Merci Florian. Un dernier petit truc, si tu veux, je suis désolé, on a des gens qui attendent derrière pour. Juste pour info, regardez les news, il y a Gérard qui vient de faire une déclaration sur Bordeaux, vu que l'actualité elle est pas assez alimentée comme ça autour du club. Gérard vient de dire que Bordeaux se fout de la gueule, oui. de Liverpool, enfin pas de des Rangers. Des Rangers, qu'on a Morelos. À propos de l'offre qui a été faite. Donc l'offre est ridicule, que c'est un manque de respect. Eh oui, mais quand c'est Steven qui parle. Non, mais Steven, mine de rien, il était au Galaxy, et donc si Anchut est dans l'histoire, pourquoi pas voir Steven à Bordeaux? On a joué. Alors là, mon gars, mais là. D'accord, c'est du fantasme. Steven Girard, on a joué avec Thierry Henry. Au Girondin, mon gars, je peux mourir dans la seconde, je serai très heureux. Il sera bon. Merci, c'est le premier. Merci Florian. Que c'est va ouais. Merci Florian. Merci à toi d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux avec plaisir. Ciao. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. On va enchaîner. Alors oui, ce soir pour les gens qui vont passer, autant vous dire qu'on a déjà une file d'attente qui commence à s'empiler. C'est qu'on n'a pas l'habitude. Il y a deux personnes. Mais non, tu m'en as vendu deux déjà avant qu'il y ait Florian. Là, t'en as eu un troisième. Alors, même pas. Il y avait Florian et Dexter. Donc Dexter va pouvoir appeler. Donc si jamais il appelle avant mon message, c'est encore mieux. Et on aura Lucas après qui veut revenir sur le départ de Poyet. Dexter, on a un peu trop résumé le départ de Poyet à forcément la discussion de la borne. Voilà, pour lui, il y avait aussi autre chose. Au final, dans l'histoire, on n'a pas réagi. Donc il y a certains qu'on a moins entendu. Donc on va leur rendre la parole. Que ce soit Adrien, que ce soit Enzo. T'as pas entendu du tout, toi. Comment vous le sentez pour vous? C'est l'abord qui est plutôt responsable, plutôt le club, un peu des deux? Sur Poyet, la difficulté, c'est son caractère. On savait au moment où il s'est engagé que c'était ça la difficulté. Beaucoup de supporters voulaient que Poyet ne fasse que 6 mois avant qu'il ne fasse les résultats escomptés. S'il ne correspond pas au caractère, s'il ouvre trop sa gueule, je suis désolé, mais il y a une institution à respecter. C'est pas lui qui décide. Est-ce que la direction fait bon choix? Ça, c'est chacun qui fera son opinion. Mais t'es dans une entreprise et c'est pas à lui de décider et d'avoir le dernier mot. Malheureusement pour lui, il n'était pas manager, il était simplement entraîneur et ce poste lui convenait sûrement pas. Voilà. Si Rémi veut réagir derrière. Non, bah après, par rapport à l'histoire que dit l'agent de la borne, je pense que c'est plutôt le club qui fait une boulette, j'ai l'impression en fait. Après, je sais pas votre avis, mais moi je pense que c'est plutôt le club qui fait une boulette avec le communiqué pour le groupe. Après, Poyet n'est pas trop au courant. Si je peux avoir mon micro, excusez-moi. Tu sais quoi, je pense réellement, excusez-moi, que Martin, avec Poyet, ça doit parler. Passons, je pense que ceux qui ont rédigé les articles sont pas au courant. Ils sont au courant de rien du tout. Ça. Donc eux, ils ont eu le groupe donné par Poyet, ils ont publié le groupe par Poyet, point barre. Et après, moi je pense que Poyet en profite de la situation pour remettre un petit peu du sel. Après, la vraie information, on sait pas, c'est est-ce que réellement Poyet n'a pas eu le coup de fil de Martin, ou est-ce qu'il a eu le coup de fil? Non, en fait, c'est l'info que personne n'aura, et ça va faire les débats et cristalliser les supporters là-dessus pendant des mois, et quand on parle de cristalliser des supporters et des débats, je pense que c'est le petit moment de nous mettre Dexter au téléphone. Parce oui, que là, je l'avais oublié. Salut Dexter, excuse-moi. C'est le mieux, là. Salut. Ça va? Ouais, si on veut. Ouh là là, pas content. Bah non. Je te sens pas content, Dexter. Ah non, je suis atterré et scandalisé. Alors. Parce que j'ai entendu ce soir. Alors, vas-y, dis-moi. Un scandale. Dis-nous. Problème, vous l'avez retenu, ce qu'a dit Monsieur Hutto. Vous avez retenu quand même par quoi il a commencé son intervention, qu'il n'était pas là pour juger Poyet. Oui, il a bien dit ça, oui. Oui, il a bien dit ça, et puis après, derrière, il enchaîne qu'il a un problème psychologique. C'est pas faux, il a dit. Et ça, vous laissez dire ça, quoi. De dire, excuse-moi, j'avais pas le casque, de dire quoi? C'est pas qu'on laisse dire ça, c'est qu'à un moment donné, il est responsable de ses propos. Nous, on n'est pas là pour censurer les gens ou dire ça, vous avez pas droit. Non, mais t'as le droit de dire que je disais des saloperies. Mais de dire quoi? Bah, ça t'est déjà arrivé en même temps, j'ai envie de te dire. Non, mais faut dire quoi? Des trucs comme ça, des problèmes psychologiques? Non, mais c'est très grave. Ouais, non, mais Dexter, c'est un. Il faut genre comme il peut. Enfin, c'est une façon. Il a pas insulté non plus, c'est pas. C'est à la limite, quand même. Bon, c'est limite, on va pas se mentir. Ah, non, après, je m'inquiète pas pour. Comment ça s'appelle-t-il? Après, Dexter, on va pas se cacher que nous, si on invite Christophe Hutto, c'est pour qu'il. Non, c'est pas pour qu'il dise ça quand même. Non, c'est pas pour qu'il dise ça, mais pour pas non plus qu'il dise que de la langue de bois, tu sais. À un moment donné, on voulait aussi qu'il balance un peu. Et puis tu sais. Il y a eu les mensonges, comme d'habitude, bien sûr. Quand il disait que Poyet voulait s'en séparer, ça, bien sûr. Ça, il a jamais dit qu'il voulait pas s'en séparer. Il l'a même répété en conférence de presse, la fameuse conférence de presse d'hier, où il dit. Ça, vous l'avez bien repris, ça, vous lui avez dit. Parce que, oui, mais ça, donc il arrive à l'antenne, puis il ment. Bah, ça, c'est normal, quoi. Alors que Poyet a toujours dit que, de toute façon, que Laborde, il pouvait partir, mais qu'il fallait un remplaçant. Donc il a pas eu remplaçant, Laborde est parti. Alors, juste une précision quand même. Quand on a des gens comme ça, que ce soit Christophe Hutto ou n'importe qui d'autre, au téléphone, on n'est pas, nous, là, pour être, comment dire, le juge de dire vous mentez ou vous dites la vérité. C'est-à-dire que les gens, comme les auditeurs, comme t'es en train de... On est tous... Oui, voilà. Mais comme t'es en train de le faire, les gens donnent leur version... On l'a dit avant l'émission, on l'a dit, voilà, oui, vous avez la vérité, votre version. Après, on y croit, on n'y croit pas. Les gens disent, voilà, donnent leur version des faits. Après, là où il est diaboliquement intelligent, c'est qu'il ne ment pas. Il dit juste, il omet la vérité que de dire. Non, mais Christophe Hutto, c'est un communicateur de ouf. Mais voilà, il dit juste, il précise pas que la bande, que Poyette voulait d'abord un remplaçant pour laisser partir la bande. Il dit juste, Poyette voulait faire partir la bande et il oublie de dire la deuxième partie. Mais il ment pas. C'est de la communication. Ça s'appelle de la com. C'est ça, juste de la gueule du monde. Ouais, voilà. C'est ça. Après, tu sais, beaucoup de personnes font ça. Hein. Quand tu veux mettre quelqu'un dans ton opinion, quand tu veux bégayer, non, quand tu veux convaincre quelqu'un, t'omets ce qui ne t'arrange pas. Voilà. Merci. Rémi, tiens, prends le micro à Cyril, ça vous embête, ça vous évitera de. Non, après, des fois, j'interprète son joueur, donc il va pas commencer à faire une petite histoire. Et accessoirement, lui, il défend très très bien son joueur. Il est impliqué aussi dans l'histoire, enfin, impliqué. Bon. Et après, il a apprécié. C'est son joueur, mais bon, ça n'empêche pas que ça sert à rien de mentir. C'est comme. Non, respectivement, c'est comme dit Adrien, il cache la vérité. Il a pas dit, et quand on lui a dit, il a dit oui, c'était ça. Alors, c'est. Sur les buts de la board aussi, bon, c'est la mentime, ça c'est comme d'hab. Non, c'est les chiffres. C'est 9 buts en 58 matchs en Ligue 1 et 19 buts en 102 matchs. 10 buts en 44 matchs de Ligue 2. Donc en tout, c'est 19 buts en 102 matchs. Et non, il y a la Coupe Tu rajoutes les Coupes de la Ligue, les Coupes de France, les Coupes d'Europe. Ah oui, les buts contre Châteauroux, Mariupol, oui. Ah oui, mais Dexter. Non, mais Dexter. Ah oui, mais les buts, c'est en Ligue 1 que ça compte surtout. C'est pas contre Mariupol. Dexter. Dans ce cas-là, non, mais attends. Quand tu me dis Mbappé ou Neymar, ils ont marqué 35 buts cette saison. Tu comptes les doublés contre Dijon, Amiens et Montsolémine en Coupe de France. On est d'accord? Non, moi je compte pas pour la Ligue 1. Non, parce qu'on part toujours sur une. Oui, non, mais c'est des buts, ça compte. Je veux dire, après... on part toujours sur une base en Ligue 1, tu sais, où on dit qu'un bon attaquant de Ligue 1, on va dire que c'est une quinzaine de buts en Ligue 1. Oui. C'est pour dire qu'il en est très loin. Il a même pas mis. Après, il a mis 19 buts. Oui, il est loin. La Borde n'étant plus. Vous l'avez bien, la Borde. Non, mais c'est pas ça. Mais la Borde. Moi, franchement, j'adore la Borde. J'ai pas de soucis. C'est un joueur très très moyen. Oui, certes, mais moi j'adore la board, mais on va pas faire le débat. Mais j'adore la board, je l'ai déjà dit, je pense que quand tu mets la confiance, je pense que c'est un bon joueur de Ligue 1. Après, la board, il est plus à Bordeaux, donc j'ai envie de dire, passons ce débat, il y a bien plus intéressant à dire. Moi, ce que j'aimerais savoir, je connais ton avis, parce qu'on discute assez, mais au final, de ce qu'on ressort, on n'arrive pas à savoir réellement qui fout des bâtons dans les roues, de Poyette ce soir. En fonction des personnes qu'on va interroger, ça va plutôt taper sur Nicolas Taverneau ou plutôt taper sur Ramé. Et moi, les infos que j'ai eues dans la journée, ça allait plus sur Nicolas Taverneau. Quand je suis arrivé dans l'équipe, c'est ce que je leur ai dit, c'est que c'était pas forcément Ramé qui était visé. Mais le problème, c'est que on peut pas savoir. Donc ouais, aujourd'hui, c'est un ensemble de choses, c'est une accumulation. Ouais, mais tu sais quand tu regardes, quand tu es sur Twitter et on y est tous les deux, donc on sait de quoi on parle. Généralement, ont plutôt souvent été opposés Poyette et Ramé que Poyette et Nicolas Taverneau. Non, mais plus, c'est sûr, mais bon. Il faut comprendre aussi que Ramé, c'est un pantin, hein, c'est ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'au club, là, il fait ce qu'on lui dit, et puis voilà. Donc moi, je pense que la guerre était vraiment entre deux Taverneau, Martin et Poyette. Mais après, moi, ce que je reproche à Poyette, et là, je donne mon avis pour la première fois ce soir, c'est plus sa manière de faire dans le recrutement, de vouloir ses joueurs à lui, tout ça. Alors voilà, les joueurs qu'il a proposé, mon Dieu, voilà, qui sont pas là. Que lui en tant que tel, parce que finalement il a raison dans les propos qu'il dit, parce que depuis 9 ans on a le même constat, ce club ne décide pas, que si, que ça. Mais bon, après, quand on creuse un petit peu et qu'on a quelques petites infos, on se rend compte que notamment Bergwijn, c'est un joueur qu'on aurait pu faire dès juin, mais que le club a attendu aussi, parce que Poyette a pas su dire oui au moment où il fallait dire oui. Oui, après ça a augmenté le prix, donc voilà. Et à partir du moment où ça prend une autre mesure, ça devient compliqué. Mais là, oui. Moi, c'est après Poyette. honnêtement, ce qu'il dit sur le fonctionnement du club, malheureusement, je le partage. Parce mais c'est que... pour ça qu'il est soutenu par, comme vous disiez, 9 sur 10 supporters. C'est parce que nous, on n'en peut plus depuis 9 ans. Donc là, pour une fois, quelqu'un ouvre sa bouche, pour parler poliment, ben, on est d'accord avec lui. Après, c'est pas pour autant que moi, je suis un fan du coach Poyet. Hein. Moi, franchement, Poyet, à la base, je m'en fiche. À son arrivée, j'étais super dubitatif. Donc, je pense que c'est un coach... un bon petit coach, mais rien d'impressionnant, quoi. Mais ce qu'il a dit, moi, je dis qu'il a, il a vraiment raison. Et c'est pour ça que j'ai pas compris toutes ces réactions, là, ces derniers temps, même si vous dites qu'il y a plus de supporters qui sont pour Poyet, mais les gens qui sont, on va dire, un petit peu plus influents, bizarrement, ils sont tous pour la direction. Oh, ouais. Bah, disons que de ce que je constate, moi, j'ai pas Twitter, hein, mais de ce que je constate de Facebook, du chat que j'ai ce soir, et puis des avis avec des gens auxquels j'ai pu parler, que ce soit au boulot ou même avec mes collègues, j'ai l'impression, comme on disait tout à l'heure, que t'as la partie, majeure partie, on va dire, supporters, qui serait plutôt en majorité, alors pas avec Drake, mais plutôt en majorité, plus enclin à soutenir Gustavo Poyet, et plutôt la partie tout ce qui est médias et on va dire tout ce qui tourne un petit peu autour des médias, qui elle du coup serait un peu plus enclin. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que voilà, Enzo avait posté dans l'après-midi sur les comptes de Girondin Analyse un sondage. Êtes-vous satisfait du départ de Gustavo Poyet des Girondins? Tiens, Dexter, à ton avis, est-ce que t'as une idée? Il y avait le choix entre oui et non. Bah, je vais dire 70-30. Pour le? Bah, non, que les gens sont pas contents du départ de Poyet. Exactement. Et puis, alors, c'est pile poil le chiffre. 70% de non, ouais, de voilà. Gens qui sont pas contents, et 30% de gens qui sont contents. Mais, je sais pas, tiens, toi, Dexter, comment tu l'as vécu? Même les gars, je vous pose la question. La façon dont Poyet quitte la scène, je trouve que ça influe sur le comment dire, sur le Gourvennec aurait fait la même chose. Tu faisais le même sondage, les gens disaient, je pense Gourvennec, on n'est pas content qu'il parte, parce qu'il y a la façon de le faire. Mais tu veux que je te dise pourquoi? Parce que c'est le mec, il a posé ses couilles, il a gueulé, il a machin. Tu vois ce que je veux répondre? Je pense qu'on a à peu près la même réponse. C'est que oui, voilà, parce qu'en fait c'est pas du tout le même principe, parce que Gourvennec, il aurait été, enfin, s'il avait fait ça, il aurait été dans une situation hyper délicate. Avec lui, on était quasiment en Ligue 2, donc c'est pas le même. Et puis Dexter, il faut reconnaître que Gourvennec, il était très apprécié, tu haillant. Oui, plus, mais c'est-à-dire que aujourd'hui, les 70% que t'as, qui sont mécontents de ce qui se passe avec Poyet, c'est des gens qui ont la nostalgie des Girondins de Bordeaux d'avant, regrettent une politique qui est laxiste depuis des années. Ce que je veux vous dire, qui a fait de nous un club qui dame, quoi. Ce que je veux dire, c'est que Gus Poyet, je sais pas si c'est volontairement ou pas, mais il a peut-être anticipé, c'est-à-dire que il a dit bon, à la limite, avant que si j'ai le choix de partir, c'est soit je me fais virer, soit je démissionne, soit j'ai une troisième solution, je fais tout péter moi-même. Mais c'est ça que je veux dire, il fallait pas fermer la hype. Oui, mais elle n'était pas calculée, sa conférence non. De presse. Non, si, ça si, voit, si. C'est sincère. Ah, c'est si, évidemment. Si, alors, Dexter, presse, alors, si. Alors, Dexter, juste... Si. On pas, sait, ou alors, mais... c'est un comédien, du coup. D'ailleurs, il faut qu'il passe des... Ah, mais avec beaucoup... le Caplain, d'ailleurs, je pense qu'il s'entend bien. Dexter, on ne saura jamais, sauf si un jour, oui, il vient d'Angéa pour en interview, juste à Opoyette. D'ailleurs, on l'invitera, hein, vous inquiétez pas, on lancera les invitations. Mais on se... Ah oui, non, mais t'inquiète, c'est déjà prévu, comme avec tout le monde. Après, il répond pas. Parce que là, ce soir, c'était vachement à charge contre lui, quand même. Ouais, mais comprends que ce soir, pour Opoyette, on a quand même eu trois journalistes. On va avoir Hervé Morin après toi à Écart. Hervé Morin, c'est qui, c'est un politique. Ah oui, c'est un homme politique. Voilà, Nicolas Morin. C'est ça que je vous reproche. Julien B a été plutôt côté club. Horrible. Un peu. C'est pas ton avis, voilà. Et les deux autres ont plus, je trouve, été côté Poyet que côté direction. Les deux ils étaient bien, oui, les deux. Et c'est pas qu'ils étaient Clément. Bien, c'est que c'était leurs avis. Voilà, après on a eu Uto parce qu'on s'était obligé, et puis qu'on s'est aussi avoir les, de, et que ça faisait deux semaines qu'on lui parlait pour et autre que, voilà, chose et, ouais, et qu'on voulait avoir la bande au début, donc il y a des choses qui étaient calées aussi avant cette émission, il faut bien le comprendre. Donc on donne l'avis à tout le monde, on donne nos infos, maintenant les gens font ce qu'ils veulent et prennent la décision et l'avis qu'ils veulent, voilà. Mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'était ça, vous permettre d'avoir un avis avec plusieurs infos. C'est souvent les journalistes qui ont les infos, et quand nous on va à la pêche aux infos, on a soit des contacts proches du club, soit des contacts proches des agents, soit des contacts journalistes. Donc c'est aussi comme ça qu'on construit nos infos. Et je dois vous avouer que je m'amuserai pas à refaire ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que c'est vraiment très chiant de construire des infos. Je laisse ça à Diabaté 33. Mais voilà, on a juste voulu vous donner un avis général. Ouais, après non, nous les journalistes, on sait pas ce qu'ils pensent avant. Moi, j'ai personnellement, j'ai trouvé ça assez, trop virulent, quoi. C'était vraiment. Mais sur Auguste Poyet, précision. Alors, est-ce qu'on peut parler de préparer? Mais avant le match, il est interviewé par RMC Sport, où on lui demande 4 recrues. Vous êtes satisfait du boulot de votre président? Il a dit, on en parlera demain. Ça, tu me l'as. Alors, et tu vois et ce je que tu, te ça, dit, tu me l'as je dit. Que c'était une recrue qui allait venir. Alors, voyez cette phrase là, Adrien. Et alors, c'est après évidemment que ça a pris tout son sens. Adrien me dit ça avant le coup d'envoi de. Quand? C'est quoi la phrase? J'ai pas. Avant le match, il est interviewé. On lui dit, vous avez 4 recrues. Est-ce que votre président a bien travaillé? Il a dit, on en parlera demain. Et donc Adrien me dit ça avant le match. On croit que c'est une recrue. Et je dis bah oui, il doit attendre demain. Je me suis dit bah ce sera donc demain. Il y a deux recrues qui vont signer. Sauf qu'à ce moment-là, et RMC Sport a sorti des images aussi de avant le match où Poyet est déjà très énervé, où on le voit très très énervé avec avec les joueurs du club, avec des joueurs. Enfin voilà, il est déjà très remonté sur ce truc-là. Donc je pense pas que sa conférence de presse elle soit calculée. Je pense que le mec il sort les choses. Voilà, il en a marre, il le dit. Voilà, il en a marre, il le dit. C'est un sacré comédien. Et tu dois savoir maîtriser. Voilà. Malheureusement, Cyril, et après on va conclure. Ouais. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Dexter. Donc, pour le prochain profil d'entraîneur, est-ce que je redis la même question qu'à Florian. Est-ce que tu es plus sur un bâtisseur style Ricardo Ranieri, ou est-ce que tu veux donner la chance à un jeune coach façon Thierry Henry, comme on a pu le faire sur Laurent Blanc? Ta préférence? Moi, j'aimerais tenter Laudrup. Laudrup, par rapport à ce qu'avait fait Ritafe, c'est ça? Ouais, et c'est aussi à Swansea, il avait gagné la Coupe de la Ligue anglaise. Tout de suite, là. Il avait produit du bon petit jeu. Bon, après, il est parti au Qatar prendre la caillasse, mais j'aimerais bien tenter Laudrup. Laudrup, c'est un sacré nom. Parce que Laurent, il a du caractère aussi, donc ça va emmerder beaucoup de gens. Ah, et puis surtout, Laudrup bordelais le Raguer, il va s'en prendre plein la gueule en bas, Dexter. Moi, j'avais une dernière petite question, vite fait, là. Vas-y. Ouais, vas-y. Oui, l'intervention hier de Le Capin, ça vous a pas choqué? Non, parce que c'est un super. Ouais, voilà. Non, comme ça. Comme mec il l'a défoncé. Comme mec public puisse arriver comme ça à la radio et dire que c'est un guignolo de lui dire. Va voir sur Twitter tous les influenceurs qui ont insulté Baptiste Le Capin et tu répondras. Mais c'est pas parce que. Mais c'est, oui, mais moi j'ai été lui parler, mais je l'ai pas insulté. En oui, mais moi, Dexter, il y en a qui l'ont insulté. Dexter. Moi je m'en fous des autres, moi je parle de moi. Dexter, hier soir, c'est pas pour le défendre, on le connaît pas, on va pas vous le cacher, on le connaît pas. Alors on va vous dire la vérité. On l'avait invité. Marc a eu au téléphone. Il avait dans un premier temps, si je dis pas de bêtises, accepté. Il avait accepté. C'était quand? C'était hier soir. Avait accepté. On a dit qu'on en reparlerait demain matin. Et en fait, lui, hein, même dit, il était comme certains peuvent l'être, énervé et a réagi à Alexis. C'est ce qu'il me confiait après. Il est pas pote avec M6, il travaille encore moins avec M6 puisqu'il travaille avec Canal, il a pas du tout besoin d'M6. Donc il connaît pas de Taverneau, en fait, c'est pas du tout son milieu. Non, attends, la différence, on a jamais dit qu'on ne le connaissait pas, il connaît beaucoup de joueurs des Girondins de Bordeaux, il est supporter des Girondins, c'est une personnalité publique et on sait très bien que dans ces milieux tu connais les gens et il connaît beaucoup de monde. Oui, donc il défend le copinage encore. Il désingue Poyet parce qu'il le connaît pas. La différence, c'est que il avait des infos et que certaines choses le font sortir de lui. Voilà, point barre. Et puis ses propos n'engagent que lui. Si ses propos n'engagent que lui. Ça vous avait choqué? Moi ça m'avait profondément choqué. Moi personnellement non. Ça va pas. Moi, j'en connais qui réagissent plus fort que ça juste quand ils sont supporters. Et ils sont autour de la table à la radio, ils s'appellent Cyril, Marc et Seb. Je dirais que pour une fois qu'il y a une personnalité qui supporte publiquement les Girondins de Bordeaux. Oui, on va pas pleurer. Voilà, après il a le droit d'avoir son avis. Non, mais d'accord, mais je vois ce que vous voulez dire. Il y a l'amour du club, mais bon, ça. Non, mais moi, c'est pas ça que je veux dire. Mais après, il a le droit. Non, jamais il aurait dit ça sur Gourvennec, quoi. C'est toujours la même chose, quoi. Oui, non, mais Baptiste. Ses amis, Paul Bess et tout, c'est la même chose, quoi. Il va défendre ses amis. Dexter. À Bordeaux, c'est le copinage. Non, mais Dexter, c'est qu'on a. J'ai pas du tout le même avis que Baptiste Le Capelin, notamment sur Gourvennec et compagnie, mais. Mais moi, je le respecte. Honnêtement, je respecte ce qu'il a dit. Mais Dexter, c'est humain. Tu vas défendre tes amis, toi aussi. Si demain tes amis se fait lourder, tu vas le défendre, même si, même si il a pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est humain. C'est pas objectif au final, ton avis. Mais être supporter, c'est pas être objectif par définition. Bah, je suis pas d'accord. Bon, on essaye d'être maximum. Pour avoir discuté avec lui, des infos qu'on avait, il les avait aussi. Il y a aussi des mensonges que lui connaît, que nous on connaît pas, qu'il a aussi voulu rétablir, notamment à partir de Base. Donc, je pense qu'il a un peu pété un plomb quand il a entendu la conférence de presse et qu'il s'est rappelé de ce qu'il avait été dit sur Base. Faut pas oublier que le Capin réagit 20 minutes après. Et qu'à la différence de nous tous, personne ne sait ce qui a été dit à Base. Sauf peut-être le Caplin qui est pote avec Bess et qui doit en savoir plus que nous tous. Donc après, lui, il a des choses, il réagit en fonction de ce qu'il sait. Comme oui, on entend que le même son de cloche, quoi. On n'entend pas les autres. Écoute, pour l'instant, tu vois, on a toi et on a eu deux autres auditeurs et il va y avoir un troisième. Pour l'instant, vous êtes tous la même chose, vous êtes plutôt du côté de Poyette. Donc après, tu vas, il y a un journaliste du côté de Saint-Étienne qui a désingué le club et qui est aussi une personne publique. Donc après, si vous cherchez que ceux qui défendent, vous allez trouver que ceux qui défendent. Allez chercher du côté de ceux qui défendent Poyette, il y en a eu plein. Et pas qu'un. Et même sur RMC hier soir, il y en a qui défendaient Poyette. Il va falloir qu'on avance un petit peu parce qu'il y a du monde derrière. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Dexter. Et puis, quand tu veux, tu reviens en studio. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps, ouais. Ouais, mais écoute, on va s'organiser. Bah, y a pas de soucis, mon gars. Quand tu veux, avec plaisir, te contacte sur Twitter. Tu nous dis, y a pas de soucis. Allez, bonne soirée. Ciao Dexter, salut. Merci. Les gars, juste avant d'enchaîner, on va prendre deux petites secondes parce qu'il y a une info qui vient de tomber. Alors deux infos transfert. La première ne concerne pas les Girondins, mais je trouve que c'est quand même un très gros coup. C'est le défenseur Jason Denayer de Manchester City qui va signer avec l'Olympique Lyonnais. Ça c'est fait. Et la deuxième, elle concerne directement les Girondins de Bordeaux puisque Pedro sur son compte Twitter P9 a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a juste un problème en fait pour, qu'est-ce qu'il y a? Pour envoyer notre. Mais ça marche le téléphone, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'est pas l'antenne. Voilà, merci Cyril. Pedro, donc je disais, mais il faut que ça soit décroché pour que ça marche, a tweeté. Écoutez bien, alors je vous le fais en français, hein, je vous le fais pas en espagnol. Révérence, persévérance, combat, merci, gratitude. Merci à tous ceux qui m'ont aidé ici. Allons-y ensemble pour beaucoup plus. Voilà. Je pense que c'est la sélection, c'est tout. Donc, est-ce que c'est la sélection? Ou est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Rendez-vous à Mérignac. Ouais, enfin, merci à tous ceux qui m'ont aidé ici. Le 25 février. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est sa sélection ou est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Toujours est-il que c'est ce qu'il vient de tweeter à l'instant. Décidément, ce soir, on enchaîne. Alors, vous avez qui? C'est lui qui l'a contacté ou c'est nous? Non, c'est nous. Mais en fait, il a réagi sur Twitter et puis on lui a proposé comme ça et puis il a dit oui. Donc, voilà. Bah, c'est cool parce que ça, c'est l'invité bonus. Là, c'est l'invité pas prévu. On vous le met, c'est cadeau. Encore une fois, un avis, mais un petit peu différent. C'est-à-dire, tous les journalistes, je trouve, ont un avis et une analyse qui peut se rapprocher par moment, mais qui aussi s'éloigne par moment. Donc ça a fait un spectre plus large. On va avoir Lucas qui va nous appeler. Il veut revenir sur le départ de Poyette. Il trouve qu'on a trop résumé le départ de Poyette à ce qui s'est passé avec Laborde. Donc il va intervenir là-dessus. On le remercie énormément parce qu'il devait intervenir normalement à Écart après Dexter. Et à 8h Écart. Non, à 23h Écart après Dexter. Stop. Et il a accepté de décaler son arrivée. Messieurs, pour passer avec il est 23h. Tu peux me laisser finir de parler s'il te plaît, mon copain. Merci. Pour laisser parler Hervé Morin. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'Hervé Morin, c'est un homme politique. Donc si vous voulez faire comme Lucas, 05 56 35 31 31 05 56 oui. 35 31 deux fois. Mais pour réagir à l'antenne. Pas jusqu'à 1h du matin non plus parce que on est là messieurs depuis 20h. Il est 23h42. Et donc officiellement depuis 2 minutes, nous venons de battre le record de la plus longue émission, puisque la dernière fois, le record, c'était 21h minuit 40, donc 3h40. Là, on est à 20h, 23h42. Nous avons donc battu depuis 2 minutes le record de la plus longue émission. Ça va être sympa le podcast à faire. De GA. Mais pour l'instant, voilà, t'as 3h40 d'enregistrement. Alors l'année prochaine. Tiens, en attendant que Lucas appelle, on va préciser à nos auditeurs que évidemment, il y aura un podcast de l'émission. Alors, je pense qu'on va, enfin, c'est Marc qui s'occupe de ça. Je pense qu'on va en discuter. On va sûrement le découper en 4 ou 5 parties qui correspondent avec les, peut-être les intervenants qu'on a eu, les différents invités téléphoniques qu'on a eu. Ou peut-être en heure, on va voir. Ouais, parce que je crois qu'il y a des invités qui débordent sur une heure. À vérifier. Enfin bref, on essaiera de faire ça quand même. Alors, il y a des grandes chances que je découpe par intervention, voilà, pour que ce soit plus audible de, des journalistes, et que je mette les interventions des auditeurs ensemble groupées. Voilà. Ça va pas forcément se lier, ou alors que je vais découper en une heure. Oui, parce que là, on va pas vous infliger un podcast de pour l'instant 3h40 qui va sûrement être amené à arriver à 4h. Juste, on a un petit message de Eric Barrière qui fait un coucou à tout le monde. Il était donc au match Mut, Lorient Valenciennes. Bonsoir Eric, et puis t'es le bienvenu. Il peut passer, hein. Voilà. Eh ben écoute, on habite ici. On le salue. Il nous a lâché une exclue. Il est déjà venu. Donc voilà, il était donc là à Lorient, et donc c'est avec la victoire de Lorient 3-1. Donc voilà. Valenciennes réduit à 10. Ben on le salue Eric. Oui, il était déjà venu il y a quelques temps. Il viendra nous voir dans la saison. Merci Eric, à bientôt. Ben merci à lui. Parce qu'il habite à côté là. Sinon, vous faites direct chez toi. Et qui rentre, fait accrocher par la radio et vient dire bonjour. Dexter nous dit. C'est largement possible. Dexter nous dit quand est-ce que Kosciusko Morizet appelle. J'aime beaucoup. Elle arrive. Vous savez quoi? Non, par contre, on a failli avoir on est un auditeur. On en parlera plus tard. Non, on est un membre du gouvernement. Allez. Mais il fallait pas qu'on. En fait, on pouvait faire un interview. Du gouvernement. Mais Laurent Fessel. Un adjoint, et on pouvait pas faire d'interview, pas de direct, pas de retransmission écrite. En fait, juste on pouvait parler avec lui, mais ça servait à rien. Oui, c'est même le mec voulait qu'on lui parle, mais pas de retransmission, rien. Donc on leur a dit, écoutez, perdez pas votre temps, et puis nous non plus. Et on a Lucas au téléphone. Bonsoir Lucas. Salut Lucas. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Merci à toi de nous suivre encore à 7h. Enfin, en fait, si, c'est nouveau parce qu'on a commencé à 20h, mais sinon là pour nous c'est fin d'émission normale, hein, l'année dernière. C'est le début du cyclisme. Franchement, c'était une émission longue, mais vraiment très agréable à vous, parce que vous avez invité quand même pas mal de monde, et du coup, merci beaucoup de revenir sur ce sujet qui a quand même fait... explosion au sein des Girondins de Bordeaux. Avant tout, on est supporters, et donc du coup, ce qui a fait vibrer tout le monde au cours des 24 dernières heures nous a fait vibrer aussi. Et puis on s'est dit surtout, on peut pas faire une émission d'une heure et demie entre guillemets classique vu le ramdam que ça a provoqué. Marie-Paul de Camano. Non, mais c'est évident que tout le monde va vouloir donner son avis, donc on invite tout le monde à le donner, et on est là pour ça. Et surtout, évidemment, lundi, on en reparlera lundi. Mais l'émission fera une heure et demie. Et surtout, oui, voilà. Par contre, lundi, on revient à un format un peu plus traditionnel. Sauf d'ici là, il se passe un truc, allez savoir, mais. Ouais, mais il passera pas jusqu'à minuit. Ah oui, c'est vrai que mardi, on travaille. Mais voilà, on voulait aussi surtout se donner un peu de temps. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'invités. On a enchaîné 4 invités dès le départ de l'émission, et on voulait quand même aussi laisser après une plage de liberté pour les auditeurs qui voulaient appeler pour donner leur avis. Comme toi, Lucas. Donc, merci à toi. Et donc, d'avoir patienté. Tu trouvais qu'on avait trop résumé l'affaire Poyette à la Borde. Alors c'est vrai qu'en plus, en ayant Christophe Hutto, ça aide pas à faire ressortir l'inverse. Il a raison. Ouais, Lucas. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a surtout retenu que Poyette critiquait le fait que la Borde partait à Montpellier, parce qu'il l'a surtout dit et martelé en interview hier soir. Sauf que le mécontentement de Poyette, il ne vient pas que de là. Il est mécontent depuis la reprise, je crois que c'était le 30 juin, la reprise de sa première conférence de presse, c'était le 2 juillet. Si on se souvient bien, il avait déjà dit qu'il avait des problèmes au sein du club. Quand Roland est parti, il me semble qu'il avait déclaré qu'il aurait voulu garder Roland. Et puis il faut pas oublier aussi que le mercato, là pour le coup, pour être d'accord avec lui, il a quand même été géré n'importe comment. À la base, on devait prêter Jovanovic à Antalyaspor, qui finalement est revenu aux Girondins. Mais ça, c'est pas la faute des Girondins si le joueur, quand tu fais un prêt, ne plaît pas au final au club, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on se débarrasse des clubs. J'entends souvent, les gens se croient un peu trop dans Football Manager. C'est pas parce que tu mets un joueur sur la liste des transferts qui va partir, quoi. Il a mis sur la liste des transferts de Préville, mais de Préville, il faudrait qu'il y ait une offre, quoi. Il y a zéro offre. On a dû le proposer à tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2. Il n'y a pas un qui a voulu, quoi. Donc, enfin, j'exagère peut-être sûrement dans ce que je dis, mais c'est embêtant. Donc, et puis après, il faut que le joueur, il veuille partir sur le club qui est intéressé. ça fait beaucoup de conditions, parce que quand Uto nous dit que Laborde il a préféré rester, c'est surtout, je pense aussi, que les clubs qui étaient qu'on frappe à la porte, il s'est dit vaut mieux que je reste à Bordeaux quitte à aller là-bas. C'est problématique. Mais, quand Bayes il s'en va à Caen, je pense pas qu'il va à Caen parce que il a dit mes choix et qu'il choisit Caen. Je pense qu'il a juste pas le choix en fait. Juste pour revenir sur ce que disait Lucas, j'ai soulevé un article qui date du 1er août. Donc c'était il y a 15 jours. Le 1er août, c'était avant Bordeaux-Ventspils. Il est revenu sur l'acharnement dont il a fait l'objet dans les médias, c'est-à-dire dans l'équipe et dans Sud-Ouest. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Et déjà, il y a 15 jours, il mettait une louche. Alors aujourd'hui, bien sûr, ses propos prennent un autre sens, où il dit, voilà, je suis là devant vous et je vous réponds. Vous faites allusion à quelqu'un, le dirigeant qui s'est confié dans l'équipe. Mais qui est quelqu'un? Personne n'est venu me parler en face à face. Personne ne m'a dit ce qui n'était pas bien de faire telle ou telle chose. J'ai 50 ans, je ne suis pas un gamin. S'il y a un problème avec moi, c'est à eux de venir m'en parler. Après, moi, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je suis concentré. Voilà. Bon, bref, mais déjà. Il est peut-être très, très, très bon. C'était il y a deux semaines. Hein. L'acteur. Oui, mais après. Non, mais ça. Marc, faut arrêter aussi des fois peut-être de voir ce que je veux dire, c'est que quand tu dis ça, ok, sauf que ce qu'il a jamais réagi. On a quand il a fait sa sortie derrière, Nicolas Taverno est sorti en disant mais je comprends pas, parce qu'on s'est vu à la réunion avant et tout allait très bien. Nicolas Taverno, il y a quand même beaucoup de choses qu'il comprend pas. Non, mais il a dit ça. Poyet, il est jamais revenu sur cette déclaration. Parce qu'il aurait pu dire, ah oui, alors en effet, c'est vrai qu'on a eu cette discussion, mais il y a ça et ça qui ont changé. Jamais les journalistes, c'est là où j'ai des fois des problèmes avec les journalistes, jamais ils ont relancé ça. Ça, il faut y poser. Hier, quand il pète un plomb. Attends, par contre, il y a un mois, quand Nicolas Taverno, il a dit qu'il avait pas compris ta réaction, t'as pas réagi. Ouais, mais tu comprends, c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est pas possible. Il y a des incohérences, mais il y a des incohérences côté Poyet, des incohérences côté Bordeaux. Lucas nous dit ouais mais il a pas fait le mercato, il était poussif. Mais merde, Poyet nous a plombé deux recrues en juin. J'ai encore perdu les noms, ça c'est un truc de Jouin et Bradaric. Voilà, enfin alors il en voulait peut-être pas. OK, mais après enfin il faut juste pas dire que ça pose un problème et que c'est la faute des dirigeants bordelais, parce que si les dirigeants bordelais avaient vu la main de faire ce qu'ils veulent, enfin, n'avaient pas donné la serait foutu de ce que voulait Poyet, ils auraient fait leur mercato. Après, moi, ce que je comprends pas, et c'est là où ça m'énerve, Laurent Blanc, on a écouté 100% ce qu'il a dit, on s'est foutu dans la merde. On a pris Tigana l'année dernière, on a écouté Tigana, on s'est foutu dans la merde. On a eu Gillot pendant 3 ans, Gillot, il a juste rien eu à recruter, il lui a dit tu te démerdes, avec Escota, bon, il a fait ce qu'il pouvait, c'est peut-être, je pense, le meilleur coach de depuis 2010. Ensuite, on a pris Sagnol. Ben, Sagnol, c'est pas compliqué. Il nous a fait le recrutement qu'il voulait. Et les joueurs, quand tu passes après à Gourvenec, correspond pas à Gourvenec, ça a été le bordel. Ensuite, quand c'était Gourvenec, il a recruté des joueurs. On s'est aperçu que ça a été des flops, que ça a pas été correctement. Par exemple, je prends mes deux Préville par rapport à De Jong. Et on reprend un coach et on lui relaisse les clés du camion. Vous êtes débile ou quoi? Enfin, c'est moi, c'est ça en fait. Ce qui m'énerve le plus, c'est que, ok, Poyet, il a déconné, pas de souci. Qui lui a laissé les droits à Poyet de faire ce qu'il voulait? Je pense que tu vois un peu tout négatif. Parce que personne les avait. Sagnol, ça a marché une saison. Gourvenec, ça a marché une saison. C'est pas dans ce sens-là. Voilà. C'est pas le problème de ça a marché une saison ou pas. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment, tu n'avais aucune continuité. Pourquoi longtemps on a dit il faut un directeur sportif? Parce qu'on voulait qu'il y ait une direction sportive à donner au club. On l'a débattu 140 fois ce débat dans le journalisme depuis qu'on existe, depuis 2009. Ça fait un moment. On l'avait dit, il en faut un pour fixer une ligne directrice et que ce soit plus le coach qui arrive avec sa ligne sportive. Directrice qui peut ne pas correspondre à celle du précédent, et donc les joueurs recrutés pour l'autre marchent pas avec le nouveau. Mais on refait les mêmes erreurs. Pour moi, Poyet, c'est on te recrute un truc, ok, il y a ça à faire, voilà la direction du club, on va recruter tel ou tel joueur, ok ou pas, ok, tu signes, pas ok, c'est pas toi, j'en ai un sur. Voilà, à un moment, quand tu recrutes dans une entreprise et que tu as décidé de donner une ligne directrice à ton entreprise, tu vas prendre le mec qui va correspondre à ce que tu veux faire. Ou en même autre cas, vous imaginez un politicien de droite fait, bon, ça, le problème c'est que ça peut marcher, il va me chercher le mec à gauche, mauvais exemple, mais enfin voilà, c'est juste pas vraiment, ça doit pas être possible, et on doit pas laisser, en fait on laisse trop le la main mise aux entraîneurs. Non, le fait que ce soit variable, ok, ben on verra. Ben ouais, ben quand on verra, ça donne ça. Soit le coach, il est tout gentil comme il fait pas de bruit, Gourvenec, il s'est mis tout le monde dans la poche, il a fait ce qu'il a voulu, t'as rien pu faire. parce que t'étais toi contre, je prends par exemple De Jong. De Jong, ben à un moment tu dis à Govanek, ben tiens, de toute façon tout le monde te soutient en club, donc vas-y, fais ce que tu veux. Et là t'en as un autre, c'est un Sanguin, personne prenait la place. En plus il y avait une espèce de flottement entre Gap, M6. De toute façon il avait été choisi par Gap, donc ça lui donnait encore plus de poids dans les discussions. Ça a dû être infernal. Moi j'ai eu comme retour qu'il y a eu des discussions sur le mercato où dans la phase ça a explosé et où l'autre il est parti en claquant la porte en plein milieu de la réunion. Ben, c'est pas possible, tu peux pas gérer un club comme ça. En fait, le mercato, il avance pas, mais il avance pas à cause de tout le monde. Bordeaux, parce qu'à un moment, ils auraient dû dire, OK, monsieur Poyet, c'est bien, mais on s'en fout, on fait notre recrutement, parce que de toute façon, vous serez plus là dans 6 mois. Et si vous êtes pas content, vous partez. Et si vous êtes pas content, vous partez. C'est ça, moi, que je reproche aussi plus, c'est qu'à un moment donné. Et ensuite, c'est aussi la faute de Poyet, parce qu'il a fait attendre tous les dossiers. Ils sont tous responsables. C'est pour ça que moi, je voulais pas donner mon avis. Parce que pour moi, Poyet, je suis content qu'il parte, et il devait partir, et il devait être licencié, et Martin, enfin, une bonne décision. Parce qu'après ce qu'il a fait, il y a un truc qui s'appelle le club, et tu touches pas au club. Donc là, il a été trop loin, et il a divisé, parce qu'il a créé une division au sein des supporters qui, pour moi, va être néfaste pendant plusieurs mois. Il va falloir que celui qui arrive, il remette tout le monde d'accord rapidement. Donc ça va être très compliqué. Il a créé une grosse merde. Donc pour moi, il devait partir. Mais par contre, sur ce qui se passe, ils sont tous autant responsables. Tous autant responsables. Donc moi, je souhaite du courage au mec qui va, depuis Gap, parce que ce sera pas Dagrossa, hein. Dagrossa, il sera dans un bureau à New York. Le mec qui va gérer là. Et pour moi, ça peut être Martin. Bon courage, t'as intérêt à mec à bien à choisir ton équipe et à faire que ton équipe elle écoute ce que tu dis et à être soutenu par ta direction, parce que c'est aussi ça le problème, hein. Pendant Lucas, longtemps Martin il a pas été Martin était pas défendu par Nico Aterano, il avait des bâtons dans les roues de la part de Trio et de Vessler. Donc va gérer un club comme ça. Lucas, tu as une préférence sur quel type de pour la succession de Poyet? Alors je te demande pas forcément de choisir parmi les noms qui sont sortis cet après-midi. Si t'as un autre nom à suggérer, que ce soit pas Blanc, pas Henry, pas Klinsmann et pas genre Wenger, t'aurais une préférence sur qui? Toi, tu verrais bien qui pour essayer de sauver un petit peu le coup là? Je vais être très franc, aucune, parce que j'entends bien tout ce que dit Marc, mais je suis pas d'accord du tout. Le fait que De Jong revienne plusieurs fois, c'est quand même pas anodin. Il est déjà revenu sous l'ère Gourvennec, qui lui aussi l'a refusé. On l'a reproposé à la Poyet, qui l'a aussi refusé. Quand on dit qu'on laisse les clés du mercato à Gustavo Poyet, pour moi, ce n'est pas vrai. Parce que dans ce cas-là, Gustavo Poyet, on lui aurait proposé, enfin du moins, on aurait eu des noms qui étaient différents. C'est une lutte. Gustavo Poyet, ni Luc De Jong, s'il n'en veut pas, il n'en veut pas. On ne peut pas reprocher à un entraîneur de ne pas vouloir les joueurs qu'on lui propose. Enfin, oui, mais quand tu ne veux pas, il a le droit, pas. Mais quand tu fais patienter un dossier pendant un mois, parce que le problème, enfin moi, c'est les infos que j'ai eues. Donc elles sont peut-être fausses aussi, donc attention. Mais les infos que j'ai eues, c'est que quand tu demandais à Poyet qui voulait, il n'avait pas de nom. Et qu'il fallait qu'il demande à son agent pour avoir des noms. C'est même pas. Donc là, j'ai un problème, j'ai un vrai problème là. C'est même pas cette question-là, moi. Moi, ce qui me dérange, c'est que aujourd'hui, un coach puisse donner son avis sur des noms. Moi, ça ne me va pas. Le coach, il est là pour travailler avec la direction sportive pour établir un profil. Une fois que le profil est établi, il n'a plus à intervenir dans les affaires du club. Non, c'est quand même lui qui va gérer le mec toute la saison. Je vais te dire, on estime qu'il faut un neuf grand costaud pour caler les ballons, beau en la tête et bande au but. Il y a des gens qui sont recruteurs et scouts, c'est leur métier de faire ça toute l'année. Donc s'ils sont employés dans ta structure, c'est que tu as confiance en eux. Donc tu fais confiance à leur boulot. Si tu ne fais pas confiance à leur boulot, faut les virer. Parce que ça veut dire que c'est des salaires pour rien. Et donc, du coup, on dépense de l'argent connement. Donc, à un moment donné. Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie, Lucas. Je me suis juste permis de te couper. Vas-y. Justement, ce que tu viens de dire, c'est que on a proposé des profils à Poyet. On est venu lui voir. On lui a dit, voilà, quel nom est-ce que tu veux. Moi, ce que j'ai entendu en revanche, c'est que c'était Poyet qui avait défini au mois de mai ou au mois de juin les profils précis qu'il voulait. Ah ben c'est ça aussi qui est contradictoire. C'est-à-dire que Poyet, si jamais il avait déjà défini ses profils avant, non, mais quand et tu... qu'on nous dise ensuite qu'il vienne revenir, qu'on revient vers Poyet pour lui dire quel nom tu veux, c'est que déjà, dans un premier temps, il y a un problème. Oui, non, mais quand tu entends les noms qui sont sortis, qui semblent être les bons, que tu vois, grosso modo, que tu as eu du De Jong, du Djouba et du Pedro, donc c'est quand même des gens qui se ressemblent à des gabarit un peu de joueurs de surface, ils font tous à peu près 1m88, 1m90, bon à la tête, et que tout d'un coup Morelos arrive qui fait 1m78, tu te dis là il y a un problème de profil. Enfin, à un moment donné, moi, c'est juste sur ça que ça me fait tiquer. Mais après, je comprends que s'il y a un flou et qu'il sent qu'il peut s'y glisser, qu'il sent qu'il y a de l'hésitation dans la direction sportive, je comprends tout à fait que Poyet s'engage. Moi, ce que je reproche, c'est qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de véritable décideur. C'est que pour moi, bon, je vais passer pour encore le vieux con de service, mais à l'époque, quand il y avait Kouikou, quand il y avait Campero, non, pourquoi vieux? Eh ben, le coach, il disait, je veux un grand attaquant, 1m90, bon à la tête, et ben, dans la semaine, il avait un joueur qui arrivait comme ça, il n'avait pas été consulté sur le nom. Et à l'époque, on avait fait des Pete Denbor, des Lilian Lasland, des Stéphane Paille et compagnie, et c'était, je pense pas que les coachs de l'époque, on leur avait demandé, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas, non, t'as demandé un joueur comme ça, le directeur sportif a tranché, c'est son rôle, et puis voilà. Oui, mais aujourd'hui, Cyril sait bien que ça marche plus comme ça. Je dis pas que c'est pas, je dis pas que c'est bien. Hein. Non, mais moi, je te parle de comment j'aimerais que le club fonctionne. Eh oui, mais c'est comme il y a 30 ans, mais aujourd'hui, on n'est plus il y a 30 ans. À l'époque, il y a 30 ans, on était champion de France. Mais non, oui, mais aujourd'hui, même en gérant ton club comme ça, tu serais pas champion de France parce qu'il y a Paris, parce qu'il y a Monaco. Non, mais parce je te parle pas de champion de France, mais à un moment donné, tu t'arrêterais de perdre 2-3-0 chez toi en te faisant violer par un, ouais, un promu. Lucas, vas-y, je t'en prie, tu peux réagir. Non, j'écoutais ce que tu disais attentivement, mais encore une fois, pour revenir sur Poyet, ce que je trouve désastreux, c'est que justement, comme tu dis, dans ce club, tu disais qu'il y avait un décideur, pour moi, il n'y en a pas, et ce, justement, bon c'est pour ça. Quand même. Mais depuis 9 ans, depuis 9 ans, parce qu'à l'époque, c'était déjà Blanc qui décidait, et Blanc n'avait pas de supérieur, et quand il s'est rendu compte que ce qu'il proposait, eh ben, grosso modo, soit on l'écoutait pas, mais il n'y avait pas de décideur autre que de Taverneau. Donc du coup, ce problème-là, il existe depuis 10 ans, plus de 10 ans. Je dirais pas depuis si longtemps que ça quand même, parce que quand Jean Mitrillon était à la présidence, jusqu'à ce que Stéphane Martin le remplace, Mitrillon s'était imposé comme un certain patron quelque part. Oui, mais Gillot, il a passé des mercatos à avoir zéro recrue. Alors que Laurent Blanc, moi je me souviens que pourquoi Laurent Blanc est parti à l'époque? Parce que à la place de Chamac, qu'on a perdu un an gratuit un an après, il voulait soit Loïc Rémy, soit Guillaume Haro. Il avait déjà établi ces deux profils-là, on lui a refusé, et à partir de là, il y a eu la première rupture avec Laurent Blanc. Et on n'a jamais fait le reproche à Laurent Blanc. À l'époque, si, on en a fait des reproches, mais bon, après, ça n'a jamais été aussi virulent, et puis Laurent Blanc, c'était Laurent Blanc, mine de rien, c'était quand même le coach qui a été champion de France, et... Et là, il disposait quand même d'une certaine cote d'amour. Messieurs, les meilleures choses ont une fin. Il est minuit. On est là depuis 20 heures. Depuis 4 heures. On a pulvérisé le record de l'émission. 4 heures quasiment non-stop. On a fait juste une petite pause. Moi, personnellement, franchement, je suis flex. Je peux être là jusqu'à demain matin. J'ai un peu la dalle, je vous le cache pas. J'ai pas mangé depuis midi. J'ai un peu faim. Mais sinon, ça va. Lucas, on va te remercier encore. Juste, vas-y. Pour revenir sur Poyet, juste quelques minutes. Vas-y. J'avais dit que je voulais réintervenir sur Poyet, mais bon, au final... Oui, puis qu'on se couche à minuit ou minuit 5, ça changera pas grand-chose. Excusez-moi, on était juste... Parce qu'on était parti sur le mercato, je vais juste revenir sur Poyet. Pour revenir sur Poyet, ce qu'il y a, c'est que, comme je disais tout à l'heure, Marc, je crois, disait que Jovanovic, bon, le club n'était pas intéressé, ça fait partie des circonstances, mais néanmoins, ça rend quand même le mercato désagréable. C'est à mon avis, le départ de Laborde n'est pas la seule chose pour laquelle le Gustavo Poyet est parti, comme on a pu lire dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ah non, mais le mercato Gustavo est Poyet, désagréable, oui, ça, le c'est départ sûr. De Laborde, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, avec le mercato qui a non seulement démarré tardivement, mais qui en plus de ça a été très mal géré. Et quand Poyet, par exemple, souligne, je passe du coq à l'âne, quand Poyet revient sur les manques de communication, enfin les problèmes de communication au sein du club, c'est pas d'hier qu'il date ce manque de communication. Avec Carasso, il y a eu des manques de communication. Avec les supporters, quand ils étaient, je crois, en prison à Strasbourg, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Ou il y avait eu des problèmes de communication. Avec Nicolas Maurice-Belet, quand il a été résilié, Nicolas Maurice-Belet, il me semble, aussi avait souligné ses problèmes de communication. Donc moi, je veux bien que Poyet, on dise... que Poyet. Alors après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'effectivement, Poyet, il n'est pas tout blanc non plus dans l'histoire. Mais Martin, quand même, quand on reprend toutes ces circonstances, Martin, depuis qu'il est à la présidence... Il y a eu pas mal, et même avant lui, Mais moi, je te rejoins sur ce, je te rejoins sur évidemment le fait que tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir, et je pense qu'il y a des torts et du côté de Poyet et du côté du club et peut-être même aussi du côté de Taverneau. Mais t'as raison de le souligner, Lucas. Ces derniers temps, et déjà Jean-Louis Triot était déjà là. Rappelez-vous, comme tu l'as dit, le départ de Belay, le départ dans l'anonymat absolu de Jussier, qui a passé 10 ans au club, qu'on a fait partir sur un dernier match. Enfin, je veux dire, le mec, on lui a même pas filé un bouquet de fleurs et faire venir au centre du terrain. Le mec a quand même passé 10 ans au club. Alors, ok, vous allez me dire, ah, Jussier, enfin, ok, Jussier, j'ai pas Giresse, mais le mec a quand même passé 10 ans au club. Des mecs qui passent 10 ans dans des clubs aujourd'hui, on n'en trouve plus. Carasso, enfin, t'as raison. Moi, je dis, c'est ça qui, quelque part, crée, à mon avis, un certain déséquilibre, parce que quand Martin dit dans la conférence de presse que Poyet a dépassé les bornes, Martin, dans sa communication, au vu de l'image du club qu'est le FC Girondins de Bordeaux, il ne la respecte absolument pas. Moi, c'est mon ressenti sur les choses. Poyet, il a dit les choses ouvertement. Martin, dans sa conférence de presse, a reproché que les déclarations, donc, qui étaient quand même certes virulentes, Poyet n'aurait pas dû dire les choses comme ça, à mon avis. Mais Martin, il faut que dans ce cas-là, il précise clairement dans la presse qu'est-ce qu'il reproche à Poyet exactement. Parce que si c'est le fait d'avoir refusé des joueurs, je ne sais pas, le premier entraîneur à refuser des joueurs, si c'est le fait que, comment dire, qu'apparemment il n'était pas au courant du départ de Laborde, je trouve ça un petit peu léger. Mais il a dit... Moi, j'aimerais bien en fait qu'on me justifie pourquoi est-ce que Poyet s'en va. Si c'est pour ses déclarations, d'accord, mais bon, je pense que Martin y est quand même pour beaucoup. Il est, enfin, comment dire, il est coutumé du fait que Poyet s'en aille. Bon, Adrien, conclut. Moi, c'est mon ressenti. Oui, non, mais sur Martin, Martin et Poyet, de toute façon, c'est deux gestions différentes. Martin, c'est celle de quelqu'un qui gère un club. Et Poyet, c'est quelqu'un qui veut se suicider. Donc, Martin peut pas dénoncer tout comme ça, vu qu'il a un club à gérer derrière. On nous a dit, Uto a dit que Martin était quelqu'un qui était très respectueux et tout ça, et que c'était assez rare dans le football. Voilà, c'est le son de cloche qu'on a eu. Et après, Poyet, au vu de sa carrière, finalement, c'est peut-être juste un entraîneur qui est là pour faire 6 mois ou pour faire des coups, pour faire une saison. Voilà, c'est peut-être pas un bâtisseur. Il est à l'image du joueur qu'il était le terrain, c'est-à-dire très, très, très, très engagé, très, voilà, très, très, la grinta, le machin, le truc. Et on se refait pas, hein, on est comme on est. Non, mais d'accord, mais si Christophe Hutto dit que Stéphane Martin est respectueux, au vu des déclarations de Christophe Hutto sur Gustavo Poyet, qui dit qu'il est. Qu'il a un problème psychologique, etc. Sans oui, mais après, il a dit qu'il avait de très bons résultats. Oui, mais c'est pas ça, faut pas s'attacher, c'est des mots, ça, c'est de la com. Enfin, c'est pas ça. Genre, à mon avis, ça, c'est un petit mot pour que ça soit repris dans un article et qu'on dise, tiens, voilà, machin, il a dit. Enfin, ça, pour moi, ça, c'est juste de la com. Il a raison, sûrement, parce que ça marchera peut-être si l'interview est reprise. On sait jamais. Si mais c'est repris par certains médias, on dira, ah, voilà, Uto, il a dit, Poyet, il est malade. Mais faut écouter toute l'interview. Faut l'écouter dans le global. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous. C'est un plaisir. Et puis, tu viens quand tu veux dans l'émission, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. On t'accueille avec plaisir. Merci, Lucas. Merci, Lucas. Bonne nuit. Enfin oui, on peut dire bonne nuit, du coup. Bonne nuit, ouais. Merci, ciao. Juste, je voudrais préciser avant qu'on rentre chez nous, messieurs, j'ai mis un petit mot sur ce soir. Ouais. J'ai mis un petit mot sur le chat pour remercier tous les gens présents ce soir à l'écoute et qui ont participé à l'émission. Et puis donc j'ai eu quelques retours. J'ai Seb du 33 qui nous dit « Seb, faudrait un jour essayer d'inviter un élu de la métropole pour parler des Américains et plus globalement de ce problème. » Alors on vous cache ça pas que... Ça sera prévu, mais... Bon, on y pense, mais on va pas se mentir. On a essayé l'année dernière, mais on s'est bloqué. Non, mais l'année dernière, que je dis l'année dernière, c'était la saison dernière. La saison dernière, voilà, Nicolas Florian. Mais là, on va pas se mentir que tant que le truc est pas bouclé, ça va être peut-être compliqué de. Mais c'est dans un coin de notre tête. Voilà, on y pense. Sachez-le, on l'a dans un coin de la tête. Ça se fera ou pas s'il refuse, hein, mais au moins on lancera l'invité. Mais après, souvent, on est bloqué aussi par la capacité qu'on a à faire des invités aussi. Parce que mine de rien, on est une émission bénévole faite par des supporters. On est un petit peu bloqué par ça, donc le boulot, on a plein de choses. On a Jimbo. On a Jimbo34 qui nous dit merci à vous, super émission, mais s'il vous plaît, invitez pas l'élu écolo, il est insupportable. Oui, Pierre Urmic, j'avais oublié l'élu verde. Ouais, c'est vrai qu'il est insupportable. Le type, il est contre tout. Il est contre. S'il te plaît, t'as la radio. J'en ai rien à foutre. Alors là, c'est les écolos, c'est 6% dans les sondages. Je t'en dis, j'ai rien à foutre. Non, mais dis-toi que tu représentes la radio, là, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi, pardon. Mais voilà, bon, on appellera Alain. L'émission se termine, nous dit Tché, sur l'inscription de Seb sur Twitter. Non. Toujours pas. Non. Inch'Allah, ouais, peut-être. Pas en ce moment. Si on est champion cette année, allez. Il a dit qu'au max, il aura un compte Twitter à sa mort. Oui, j'ai dit. Alors, je chargerai. Un live tweet de son enterrement. Alors, puisqu'on sait pas ce que la vie nous réserve, je chargerai mes collègues de GA, Adrien, qui maîtrise Twitter, Adrienzo, Marc, Cyril. Ouais. Celui qui sera survivant quand je serai mort ouvrira un live tweet pour moi. Allez, on va pour terminer cette émission. Déjà, vous remerciez vous, messieurs Enzo et Rémi qui ont dû partir un petit peu plus tôt. Big up à vous les copains. Merci à tous les gens qui étaient présents sur le chat. Il y a eu beaucoup beaucoup de monde ce soir, donc merci à vous. Et même ceux qui nous ont écoutés. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous nos invités du soir. Il y a eu dans l'ordre Julien B, Adrien Mathieu, Christophe Hutto, Clément Carpentier, Nicolas Morin, on a eu Aurélien au téléphone, on a eu Dexter, on a eu Florian, on a eu Lucas. On a eu Lucas. Ça suffit. On a fait 9 personnes au téléphone. Donc merci à vous tous. Merci à vous qui êtes dans votre voiture, derrière votre salon, dans votre ordinateur, derrière votre ordinateur. Merci à vous tous. Je pense que on va regarder un petit peu les scores et les machins. Ouais. On va. Alors Marc va vous préparer les podcasts qui seront sûrement, rassurez-vous, dit coupés en plusieurs. Poster demain matin. Ouais, enfin, je fais pas ça ce soir, comme j'ai fait quand même. Même si tu les postes que demain midi, c'est pas un drame, Marc. Oui, enfin, ça va être. Je vais les faire dans la matinée, donc poster en début d'après-midi. Zero Boy nous dit bravo, les gars, vous avez assuré. On a encore 37 matchs à se cogner, plus l'Europa League. Oui, alors on fera pas des émissions de 4 heures tous les vendredis. Mais si, tous les premiers vendredis de chaque mois. Oui. Tous les premiers vendredis chaque mois. D'ailleurs, on a. On devait préparer l'émission là, on l'a pas. Bah, on fera lundi. Ouais, c'est pas grave. On attendra ça. Attendra lundi. Donc, les gars, on est nous de retour lundi 20h, 21h30. Gironde Analyse RIG. Si moi je serai à Toulouse. Ah non, bah, il y en a aucun de vous qui vient là. Non, pas de dimanche aller. Toulouse 17h. J'y serai, donc j'essaie de vous envoyer des petites photos, des petits trucs pour essayer de faire vivre un petit peu le compte Twitter, machin. Voilà, on te donnera les accès Twitter et puis tu tweeteras. Non, je saurais même pas. Je te promets, je serais capable de me prendre un selfie à la place. Tellement je suis mauvais. je te promets. Je suis tellement pas bon. Voili voilou. Donc, voilà. Avec merci à vous, les gars. On clôture. Les phrases de fin, quand même. Les phrases de fin, on va quand même pas perdre les bonnes choses. Alors, je reprends un truc que j'ai vu sur Twitter. Super Casar. Donc, il imite Poyet. Il fait, il n'y a plus de respect dans le club. Les dirigeants me surnommaient Dimitri. Il n'y a plus de respect. Voilà. Oui. Respect. Respect. Oui, il a dit, respect. Respect. Dimitri Poyet, ça va. C'est les droits ou le mot à dire. Ouais, mais comme d'habitude, Didier Sénac, le seul, l'unique. On y travaille. Mais dans des claques, ça marche là. Ah oui, alors, J'en ai deux. Porqué Tevas déjà. Ah oui, bien. Et libéré Baptiste Le Caplain. Putain. Lundi, je la mets. Et la oui, donc merci Adrien. Vivement Poyet dans l'émission, nous dit FCGB 87. Sachez qu'on y travaille également. Gustavo, tout est le bienvenu. Oui, c'est la première chose à laquelle on a pensé hier. Allez, et pour ma part, ça sera comme d'habitude. Girondin, c'est pour quoi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci donc à vous. On se retrouve lundi 20h, 21h30, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. D'ici là, vous pouvez nous suivre. Twitter, Facebook, tout le week-end, s'il y a des nouveaux, s'il y a des news, s'il y a des infos. Vous le saurez, on va vous souhaiter une bonne nuit, un bon week-end, un bon match dimanche, et allez Bordeaux !